spectacle. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Sébastien, Pierre-Tin et Myriam Nortie de Jourmazon, qu'en plus, ils vont nous parler du plus récent numéro. Et on a Gabriel Béo de La Luitre. Puis après ça, on a Master Steph à Assemblage requis tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 24 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Bon retour, Steph. Salut! Un autre lundi où t'étais pas là? Que veux-tu, hein? C'est de même. C'est des fois la vie. C'est la vie ça tourne, et c'est comme on dit, hein? T'sais. La vie tourne. La vie tourne, la planète ouais. En tout cas tourne, en tout cas, c'est ouais. Sûr, mais la vie tourne, j'imagine, en même ouais, temps. Oui, la planète, c'est la vie, fait que ouais. C'est ça, et la vie, okay, c'est la ouais, planète. Ouais. Ça se tient, ouais. Ça se tient. Oui, comme une horloge, le temps, tout. Pareil. Aujourd'hui, Steph, ce matin, j'ai manqué d'électricité 9 fois. Hein? Chez nous. Tu sais que le courant, les lumières tombent, puis reviennent après 10 secondes. 9 fois, je les ai comptés. Oh. C'était quelque chose, hein? Bizarre. Tu savais déjà que ça allait durer longtemps, puis tu as commencé à compter au premier. Oh, on est à 1, on est à 1. Non, rendu à 3, je me suis dit, bon, sûrement que je peux commencer à compter là, à peu près. Donc, aujourd'hui, Steph, à l'émission, là, faut que je me rappelle par cœur. Donc, on a à 8h Gabriel Béhoud. OK. Dans les coulisses de la huître. Oh, ouais. On va parler du match, des 3 matchs de la semaine passée. Il y avait du stock? Oui, et du match d'hier soir. Ouf! C'est un gros résumé. Et puis, on va parler du futur parce que la Poké-Luitre s'en vient. Le match Pokémon. Oh. J'ai hâte qu'on en parle. Ça, moi, je me souviens que l'année passée, j'avais pas mal trippé. C'était le fun, ça. Mm-hmm. C'était à 8h avec Gabriel Béhoud. Ensuite, à 8h30, Myriam Lortie, rédactrice en chef du journal Zone Campus, va nous parler du plus récent numéro qui sort aujourd'hui. OK. À 9h, tu vas nous faire Master Steph. Tabarouette, il y a du stock, là. Mais on manque de frigo en ce moment, c'est fou, donc on va espérer ouais. Que ça tienne jusque-là. J'espère que ce sera pas trop fondu. Ça va être une flaque de quelque chose, j'ai bien hâte, à 9h, Master Steph. Mais on débute avec Sébastien Gartin qui est juste à côté, salut! Salut! Dans notre studio B, on lui envoie la main, au loin, allô? Ah. Ça arrive juste à temps, tout ça, c'est la chronique éditoriale de Sébastien F. Gartin. Bonjour Sébastien! Bonjour, j'ai eu le temps de dégeler maintenant. Ouais, c'est ça. Toi, tu finiras pas en flaque dans une demi-heure comme Master Steph qui a pas de frigo. Toi, tu arrives et t'es un bloc de glace puis tu dois dégeler un peu. Exactement. Reprendre on, la on forme. On apprend que mon petit 20 minutes de marche pour m'en venir m'a durci la barbe, quelque chose de rare. Ah ouais, c'est quoi le donné aussi. Juste la barbe? Ben en fait, c'est que la barbe, quand t'as une barbe, j'ai quand même une pas pire épaisseur dans cette ici, pis c'est que ça va pogner l'humidité un peu, je veux pas, surtout de la respiration pis tout. Pis là, ben quand il fait frais de même, ça gèle instantanément. Fait que t'as l'impression d'avoir un bloc d'en face, c'est magnifique. Les problèmes d'hommes sont tellement petits comparés aux problèmes de femmes. C'est sûr, c'est sûr. loin de moi l'idée de compétitionner. C'est pas un concours. C'est pas un concours. Donc, Sébastien Gartin, ton plus récent éditorial sort dans le numéro du Zone Campus d'aujourd'hui. Oui, tantôt à matin. De quoi est-ce que ça parle? Bon, Yen! Bon, ben, premièrement, je vais commencer par parler du titre, parce que j'étais allé avec un titre un peu funky. Le titre du texte, c'est Zeitgeist ou l'air du temps. Ah! Zeitgeist, c'est un terme... latin, j'imagine, peut-être? Non, en fait, non? C'est allemand. Oh! Littéralement, ça veut dire l'esprit de l'époque, ou l'esprit de l'air, dans le sens air, E-R-E. Oui. Pis c'est ça. Pis dans le fond, c'est un terme un peu utilisé là, en socio-classique puis en philosophie. Et toi, t'es allé chercher la vraie prononciation, là, parce que j'entends tout le temps Zeitgeist tout le temps, moi. Là. Ben, la vraie prononciation en allemand, ça serait Zeitgeist. Faut mettre un T en avant du Z. Zeitgeist. Ok, parfait. Cool, j'en fais. Zeitgeist. Même moi, je le prononce mal. Mais ouais. Donc, c'est ça, dans le fond, l'idée d'un Zeitgeist, c'est l'esprit du temps, mettons, un peu, tu sais, l'espèce de background général, c'est les choses qui sont là un peu de manière les modes, implicite. Peut-être, pas juste les lois, un peu l'esprit un peu des gens, ce qui ont... C'est ça, tu sais, j'ai un peu de misère, tu sais, les considérations communes, là, c'est certaines choses comme ça. Okay. Ça va s'éclaircir avec ce que je vais en dire. Dans le fond, par les temps qui courent, ce que je voulais en venir un peu avec ça, c'est qu'on parle tout le temps de finances. Ça, je veux dire, je check mes éditoriaux depuis septembre. Il y en a, je m'en allais dire un sur deux, mais en fait, plus que ça, que je parle d'histoire de compression budgétaire, puis ainsi de suite. À la GE, surtout, à l'université aussi. À l'université, surtout, c'est sûr. Je veux dire, je suis supposé d'écrire sur ce qui se passe sur le campus, ouais, ou ce qui touche au campus, là. Fait que c'est sûr que c'est là-dessus, mais ça reste que même comparé à l'année dernière, c'est déjà. J'ai l'impression d'avoir rien que parlé de ça depuis le début de l'année, t'sais. Puis effectivement, ça affecte aussi l'OGE. Je me rappelle, il y a quelques années, juste avant moi, comme chroniqueur d'actualité, il y avait eu Laurent Constantin, mais juste avant ça, il y a eu le règne de Simon Fitzbé qui était là un certain temps. Puis je me rappelle sa dernière photo, la photo qu'on a en haut de nos articles. Ouais. Sa dernière qu'il avait pris, Simon, c'était lui avec un morceau de tape noir sur la bouche. Okay. C'était pour faire. C'était un peu une farce parce que dans le temps, la grosse critique qu'on faisait à l'OGE, c'était par rapport au manque de transparence. Il y avait des huis clos sur tout puis rien, puis c'est ça. Lui, ça avait été un peu ça cette année-là, son cheval de bataille. Je me rappelle qu'on avait fait un éditorial où il y avait des bandes noires sur les mots aussi. On avait masqué des mots. C'était Steph qui était rédactrice. C'était toi qui étais rédactrice en chef dans ce temps-là. C'était... Ouais, c'est ça. C'était une bonne idée, ça, les carrés noirs. C'était bien entendu son idée, mais. On trouvait ça le fun d'apporter quelque chose de différent et de montrer autrement que par les mots ce qui peut se passer. C'est ça. C'était, en gros, il y avait plusieurs mots dans la chronique qui avaient été caviardés, comme souvent quand on voit des documents d'accès à l'information. Du charpie dessus. C'est ça, ouais. Du charpie noir. Là, c'était un peu la même chose pour ceux qui n'ont pas vu l'article. Bref, dans le temps, c'était beaucoup ça ce qu'on critiquait de l'OGE, c'était le manque de transparence. Puis ça fait pas si longtemps que ça, mais cette année, on parle encore rien que de finances. Tous les points crunchy au conseil d'administration puis aux assemblées générales, c'est des histoires de cash. En particulier, dernièrement, c'était les questions de qui touchent particulièrement à Chasse-Galerie. Il y a eu des rumeurs comme quoi est-ce que la Chasse-Galerie serait privatisée puis tout. Je vais revenir là-dessus. En gros, pour donner un petit arrière-plan de ça, c'est que la Chasse-Galerie et le 10-12 sont déficitaires depuis plusieurs années. C'est-à-dire que ça coûte de quoi à l'OGE d'avoir la Chasse-Galerie et le 10-12. Le 10-12, à cette heure, les gens connaissent moins ça. C'est la salle multifonctionnelle qui était supposée d'être le dance floor de la chasse. Ça l'a été pendant un bon bout de temps, mais présentement, il se passe pas grand-chose là. C'est ça, ça l'est plus très souvent. T'sais. Moi, je me rappelle quand j'ai... Je vais faire mon dinosaure. Mais dans le temps que j'ai commencé mon premier bac ici, on allait au 10-12 à tous les mercredis. Ouais, ouais. Et c'était plein à tous les mercredis. Ça sentait le swing là-dedans. C'est ça, tu sais. À cette heure, je pense qu'il est ouvert tout quoi, 3 mercredis par session, une affaire comme ça. Je pense que c'est lors des parties spéciaux. C'est ça, c'est quasiment rien que pour les parties spéciaux qui est ouvert. Dans le temps, c'était le dance floor et c'était un des dance floors à Trois-Rivières, ouais, qui était couru. Ah, il y avait des files d'attente dehors, là, ça arrêtait pas. Les gens, ouais, l'hiver faisaient la file pour rentrer. Les gens venaient payer un cover de 5$ pour rentrer, ouais, là, parce que quand t'étais, dans le fond, quand t'étais étudiant, tu payais rien, mais quand tu venais de l'extérieur, tu payais le cover quand t'avais pas ta carte étudiante. Ouais. Et là, c'est à cause de ça que ça. C'est une partie de financement de moins pour la Chasse-Galerie et la GA. Ben, du financement de moins, c'est que. Ça l'a, à un moment donné, à une certaine époque, ça l'a arrêté d'être. Puis là, c'est dans la zone où je n'étais pas impliqué, fait que je suis pas au courant des tenants et aboutissants de tout ça. C'est juste que quand j'ai commencé à m'impliquer à l'OGE, la chasse puis le 10-12 étaient déjà devenus déficitaires, puis on se rappelait de. Ouais, il y a 2 ans, c'est plate, on faisait du cash avec ça, parce qu'on n'en fait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-tu eu des hausses de coûts astronomiques? Peut-être, ça arrive. J'ai entendu contrat de Molson comme ouais, j'entends un ça, des ça. Problèmes. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas juste ça qui explique. Il y a un paquet de choses. Moi, par contre, ce que je trouve, c'est que, comme je me dis, tranquillement, pas vite, on a coupé les heures du 10-12. Au début, c'était disait, après 3-4 semaines, on va arrêter de l'ouvrir, on va le réouvrir à mi-session. Ouais. On va le réouvrir en venant de la relâche, puis après ça, ça va aller à la fin de session. Ben là, c'est sûr qu'il faisait moins d'argent, t'sais, il était moins ouvert, et ainsi de suite. En gros, c'est une salle qui prend poussière dedans. des fois, tu sais. Ben, puis on l'entretient pas, on l'a pas vraiment amélioré. Ça ressemble à un gymnase pas mal tout le temps. Il a été amélioré. Il y a eu des gros investissements, il y a une couple d'années, pour remettre de l'éclairage plus moderne, puis ainsi de suite. Le strict minimum, vraiment. Ça reste qu'à la base, c'était un gymnase. Ouais. C'est plate, là. Ça me surprend qu'il n'y ait pas le truc de basket dans le coin, tu sais. Je suis sûr qu'il y en a déjà eu un. Sûrement. Mais, tu sais, ça reste comme là, on peut s'en servir pour faire des shows, puis tout. Mais, tu sais, on a tout le temps l'impression que. Il y aurait comme une coche de plus qu'on pourrait faire avec. On a ça qui dort là, puis on loue pour différentes affaires. Ouais. Je veux dire, c'est pas complètement inutilisé, ça tombe pas en une. Ouais, il y a des soupers spaghetti là, de fois de temps en temps. C'est ça, tu sais. Fait que pour te dire, tu sais, moins t'en offres, moins le monde en achète. Exact. L'offre et la demande. C'est juste logique. L'offre et la demande. Fait que là, il y en a qui se disent, ben, on pourrait peut-être le privatiser, on pourrait peut-être carrément vendre tout ça, on pourrait juste fermer, s'en débarrasser, puis remettre les locaux à l'université. Au dernier CA, ça a été soulevé. Okay. Ça veut dire qu'il y a des administrateurs qui ont dit qu'il faudrait peut-être y penser. La réponse, pour ça, je le relate dans ma chronique, la réponse de Christian Bourdon, le VP Finance présentement, il dit « Ben, on aurait été obligé de faire ça si on s'était pogné le beigne. Effectivement, on en serait venu là. Pas très long terme. Okay. » Cependant, il y a des plans de redressement qui se font. Et ainsi de suite. Fait que privatiser, c'est pas la question. C'est que privatiser, c'est une stratégie à court terme. Ça patche le problème, mais ça s'en crée d'autres. C'est ça, tu sais. C'est que t'as quelque chose qui peut te rapporter de l'argent, mais qui en rapporte pas présentement. À la place d'essayer de le réparer, tu le dompes, puis tu ramasses le cash. Fait que tu t'es fait de l'argent avec, mais je veux dire, cet argent-là, tu l'as là, mais il t'en crée plus d'argent, ouais. Fait que tu peux dire oui, il te crée plus de déficit, mais en même temps, tu peux t'arranger pour qu'il arrête d'en créer de déficit, mais qu'il te fasse de l'argent après aussi. C'est la question. C'est sûr que on s'attend pas à ce que la chasse devienne soudainement une vache à lait. Mm. En tout cas, on le demande pas. C'est sûr qu'on crachera pas dessus si ça arrive. Mais si d'ailleurs, là encore, ça a été dit en CA, pour calmer les rumeurs, là, c'était bien clair en CA que presque tous les administrateurs étaient bien d'accord pour dire on veut pas que les prix augmentent en fou non plus. C'est ça, parce qu'on dit tout le temps que la mission de la chasse-galerie, c'est d'avoir les prix les plus compétitifs possibles. Ben, c'est pas comme ça que tu fais de l'argent. Puis moi, je trouve que c'est beaucoup mieux pour les étudiants d'avoir des prix moins élevés que le contraire. Parce que c'est ça, tu sais, nos petits sandwichs fancy à chasse qu'on paye 5-6 piastres, tu vas venir où ailleurs? 5-6 piastres qu'on va acheter encore. Tu vas n'importe où ailleurs, les mêmes produits sont vendus facilement 3-4 piastres plus cher. Ouais. Mm-hmm. C'est une chose qui arrive. Puis il y a aussi une chose aussi à rajouter, c'est que la chasse a une fonction importante, tant qu'à moi, dans les activités de l'OGE. Fait que c'est important de la garder vivante. Une des choses que je dis là encore dans mon article, c'est que c'est une des rares choses qui garde les gens sur le campus après les cours. Ouais. Tu sais, la l'huître se fait c'est là. C'est ça, l'impro se fait là. Les chansonniers, des fois, quand il y en a, je pense qu'il n'y en a plus vraiment, mais... Le karaoké. Ouais, parce qu'avant, c'est que l'impro était plus tôt que ça, avant. Fait que là, je pense que ça finit pendant un an, ça. Genre, mais bon, okay. Ouais. Bon. Mais avant, il y avait un chansonnier après l'impro, pareil. C'est ça, il y avait le chansonnier, il y a le karaoké, comme tu dis, en tout cas, il y a un paquet de choses qui se fait à chaque... Ben oui. Ouais, c'est con, il y a les assos qui font des 5 à 7. Je veux dire, le nombre de fois qu'on arrive un mercredi à la chasse. Ben là, c'est moi cette session aussi, je pense. Mm. Mais en tout cas, que les génies, il y avait presque tous les mercredis, la chasse était pleine. Ouais. Ainsi de suite, tu sais. Fait que ça a déjà cette fonction-là. Puis, c'est une chose importante, c'est que les gens ont de la misère à voir. Puis là, je vais vraiment sonner le gars qui tu sais, limite propagande, là, mais les gens, des fois, ils ont de la misère à comprendre ce que l'OGE fait pour eux autres. Ouais. Tu sais, ils sont comme, ben là, je paye des cotisations dans le vide, ça sert à rien, ça paye des bureaux à du monde qui se pogne le beigne, puis tu sais, non, ils se pognent pas le beigne, OK? Ça, là, tu peux critiquer autant que tu veux l'OGE, mais ils se pognent pas le beigne, OK? Il y en a des fois qui ont été en poste et qui ont pas fait grand-chose, mais majoritairement, ils se pognent pas le beigne. Il y a un des exemples de ce que des trucs un peu invisibles que l'OGE fait pour les étudiants, les cas académiques. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais l'OGE, ils ont deux postes sur le CX. Ils ont vice-président académique premier cycle pour le bac, puis cycle supérieur pour maîtrise doctorat. Puis la job de ces personnes-là, c'est juste de quand il y a un problème, quand il y a un litige pour des questions par rapport à un cours, une évaluation, un dépôt de mémoire, whatever, sont là pour assister les étudiants qui en ont besoin. T'sais. Ça, il y a peut-être que les ACAT vont m'envoyer chier de leur ramener de la job demain, mais, mais c'est quand même quelque chose que les gens savent pas assez qu'ils peuvent faire. Tu sais, combien de fois est-ce qu'on a l'impression de se sentir lésé par un prof ou quelque chose comme ça, qu'on se sent complètement démuni, tu sais, ben, ils sont là pour ça. Ben ça, il y a un problème de visibilité des tâches, peut-être, des gens de l'OGE, mais là, par rapport aux élections, il y a des affiches qui viennent d'être imprimées. Effectivement. Et dessus, il y a les principales tâches majeures, des gens du... Petite parenthèse, d'ailleurs, la campagne électorale cette année, je trouve le comité électoral cette année se sont vraiment donnés. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un comité électoral vraiment, genre... Moi, j'ai jamais vu ça, personne. Vraiment être proactif comme ça, la pub, puis tout, là. Les affiches sont écœurantes, sont drôles. Mais ouais, c'est ça. Une autre chose aussi, pour revenir dans le sujet, encore peut-être plus invisible qu'encore que les histoires de cas académiques puis tout, c'est l'OGE mène régulièrement des négociations avec l'administration. Dans le fond, l'OGE représente les étudiants, ça c'est le côté syndicat un peu, représente les étudiants dans les instances de l'UQTR. Ça a l'air un peu, là encore, juste à le dire comme ça, ça a l'air un peu, hein? Mais un exemple que je vais donner, dans le temps que moi j'étais sur l'exécutif, un gros dossier qui avait été mené, autre que la grève pis tout, c'était l'histoire de parking. Ouais. Parce que à une certaine époque, les vignettes de parking, il n'y avait pas de tirage, il en donnait autant que le monde en achetait. Il en émettait autant que le monde en achetait. C'est le bon il n'y avait temps. Pas de limite. Ouais, c'était ça. Le bon temps. Ça dépend. Quand t'étais en retard un cours et tu trouvais pas de stationnement, c'était moins bon. Là, mais... C'est sûr. Mais honnêtement, ça m'est pas arrivé souvent de pas être capable de me parquer. Ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé, je pense, une fois, j'ai vraiment fait le tour du campus au complet deux fois, là, littéralement. Les gens étaient sur le gazon à ce moment-là, tellement il y avait des... Non, il y avait de la neige. Ouais. C'était des bancs de neige. On pouvait pas se stationner. Ouais. Mais j'ai déjà vu une auto carrément jackée dans un banc de neige. J'ai vu ça une couple de fois. Il y a tout le temps un dude avec un 4x4 qui, lui, est comme, moi, je vais aller me foutre dans le banc de neige. Il est à 45 degrés, tu sais. Ah oh, oui, j'étais jalouse. Après ça, le moteur part plus parce que l'huile était rendue dans le banc. En tout cas, bref. Mais non, c'est ça, t'sais, effectivement. Moi, honnêtement, à cette époque-là, moi, j'étais au MS. Puis au MS, on a vraiment manqué de parking. Ah ben non. Ça arrivait ça une fois. Ça compte pas, ça, le MS. Ça, comment? J'étais contente quand mes cours étaient là. C'était facile. Mais c'est vrai, pareil. Mais même, tu sais, quand j'étais en psycho, ça nous arrivait d'avoir des cours au Ringuet. Entre autres, les cours de stats, c'était donné pour Ringuet. Même, c'était au Pierre Boucher. Puis souvent, même, on se parquait au MS, puis on marchait parce que... C'était moins long. Mais c'est ça. C'était, tu sais, je veux dire, oui, ça, quand t'arrivais à 8h25 et plus, t'avais de la misère à trouver une place un peu plus, mais si t'arrivais une moindrement d'avance, c'était correct. C'est habituel. Tu commences à arriver à l'heure pour ça. C'est ça. C'est sûr qu'il y avait quelque chose à faire, puis éventuellement, tu sais, je veux dire, la clientèle étudiante, j'aime pas ça, ce mot-là, parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants à l'UQTR. C'est sûr qu'à Manis, ça devient un problème. Fait que là, en tout cas, ils avaient choisi le fameux tirage. Ce que le monde ne savait pas, c'est qu'à l'époque, si l'OGE, le président de l'époque, Hugo Maillot de Couture. Salut Hugo. On est rarement aussi positif envers l'OGE. Étonnamment. ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'est juste pour rappeler quand même, des fois, il faut critiquer ses bonnes affaires c'est aussi. Ça, c'est ça. Mais c'est ça qu'à l'époque, lui, s'était tapé un paquet de réunions. Puis il avait vraiment fait bouger certaines choses. Parce qu'à l'époque, c'était supposé d'être tous les employés de l'université prédominance. C'est encore un peu ça aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Les autres peuvent acheter autant qu'ils veulent de vignettes. T'sais, je veux dire, chaque employé peut avoir sa propre vignette. En même temps, on a beaucoup plus d'heures que les étudiants, souvent, non? Ouais. Ouais. Mais en tout cas, on fera pas ce débat-là. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est parce que c'est écrit dans leur convention collective, fait que ça, ils n'ont pas le choix de respecter ça. Ouais. Mais c'est ce qui restait après, c'est qu'il restait peut-être 600-700 vignettes à peu près pour les étudiants. Présentement, je pense qu'il y en avait de quoi, comme 5000 en affaire de même. Okay. C'était vraiment ridicule, là. 600-700 sur 10 000 étudiants. Surtout quand tu sais que l'UQTR, c'est probablement l'université au Québec que le monde voyage le plus pour aller à leur cours, là. Ouais. Tu sais, il y a énormément de monde à l'UQTR qui ne vivent pas ici, ouais, à une distance à pied du campus, là, je veux dire, à l'époque, je vivais à Pointe-du-Lac, là, il y a plein de monde qui vient de Chaouy, il y a du monde qui vient de Lanoraie pour venir à leur cours, là, je veux dire. On est une université de même, fait que ça, c'était un peu utopique, puis justement, ça, c'était un truc que l'OGE avait, mais il n'y a personne qui le sait. Le monde, après ça, il venait critiquer l'OGE de « Vous avez rien fait, moi, j'ai pas eu de vignette à cause de vous autres », puis c'est comme « Non, mais je veux dire, les 3-4 personnes que tu connais qui en ont eu une, l'ont peut-être eu à cause que l'OGE, c'est pas pogné. » C'est sûr que c'est frustrant, les gens qui chialent sans vraiment du tout savoir pas de quoi ils parlent. C'est ça, fait que, mais en même temps, je veux dire, c'est pas filmé, c'est pas diffusé sur YouTube, le fait que le président de l'OGS tape des réunions à longueur de temps avec l'administration, tu sais. C'est sa job, je veux dire. Tu peux critiquer les choses qu'il va dire dans ces réunions-là, puis des fois, ça sera pas correct, mais des... T'sais. La chaîne YouTube de Hugo Mayotte-Couture s'appellerait-tu YouTube? Peut-être, je sais pas. Il y en a peut-être une, ça fait un putain que j'ai pas parlé. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, je suis pas tant. Là, c'est parce que dans ce temps-là, j'étais au courant parce que c'est quand moi j'étais sur l'exécutif. Je veux dire, je suis sûr qu'il y a un paquet de dossiers cette année qui se sont réglés qu'on n'a même pas entendu parler. Ouais. Juste parce que Mathieu Roy s'est pointé à une réunion puis a fait excuse, vous avez pas pensé aux étudiants là-dedans. Puis c'est tout, là, tu sais. Mm. Fait que. Ça, c'est des affaires qu'on oublie. Fait que j'ai fait une longue un long détour pour en revenir au fait que le GE fait des choses qu'on voit pas. Puis la chasse, c'est une chose qu'on voit, qui est concrète. Ouais. Puis je me rappelle encore à l'époque, quand j'étais sur l'exécutif, ça nous faisait quelque chose à dire « Oh, le GE, faut qu'il y ait... » Parce qu'il y en a qui étaient ça, parce que là, on leur parlait d'aller en grève, puis tout, parce qu'on veut se désaffilier, puis tout. Je dis « Ok, ouais, fait que ça te tente plus de venir à la chasse, toi. » Là, tu voyais qu'il était plus mal à l'aise, tu sais. C'était un peu ça, quelque part. Ça sert à vendre le GE un peu à ses membres, tu sais. Ça donne quelque chose de concret de... que les membres peuvent se dire « Ok, tu sais, mes cotisations servent à quelque chose. » Ouais, ben tu sais, on voit les grosses compagnies tout le temps, tu vas voir, quand tu vas avoir des sous-compagnies, ça va être marqué, tu sais, le nom de la compagnie par le nom de la grosse compagnie. T'sais. Peut-être que la chasse-galerie dans le logo, c'est chasse-galerie par là. Ben, je pense que pas mal tout le monde le sait que c'est le truc étudiant. Je pense que c'est assez clair, mais en même temps, j'ai encore entendu parler du monde que ça faisait 2 ans qu'il était à l'UQTR et qui savait pas c'était où la chasse. Là, fait que, non, il y a des gens qui sont là depuis 10 ans et qui savent pas que c'est fou existe en général. Je veux dire, les gens savent rien dans la vie. Non. À moins que tu la mettes dans la face, ça va rien. Désolé. Effectivement. Mais, vous savez rien. Désolé, personnellement. Puis ça les insulte pas parce que c'est pas ces gens-là qui écoutent c'est fou. Non, parce qu'ils savent pas que ça existe. Exactement. On peut parler contre eux autres autant qu'on veut. Ouais, ouais, exactement. Exactement. Écœurons-les en masse. C'est ça. On le fait tout le temps. Je le fais. Je vais juste mettre moi mon propre nom là-dessus. Ouais. Fait que, morale de l'histoire, ça se voulait un peu plus informatif. En gros, c'est que je pense que la chasse, c'est un gros acquis. C'est une, ça fait partie, je veux dire, moi, je me dis, dans 10 ans, quand je vais avoir fini, peut-être. Donc, on le souhaite pas, là. On le souhaite pas, là. Mais en tout cas, on veut pas je veux dire, c'est niaiseux, mais c'est probablement une des affaires que je vais me rappeler du temps que j'ai étudié. Tu sais, il faut que j'allais prendre des cafés, des bières à la chasse quand j'allais à l'impro, des trucs comme ça. Tu sais, puis je suis sûr que c'est le cas d'un paquet de monde. Tu sais. Ouais. Ça joue beaucoup plus que dans l'appartenance à l'UQTR que les fanions qui ont coûté je sais pas combien de 100 000 piastres qui ont fait poser ces poteaux de lumière. Tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, fait que. Puis je pense que en même temps j'essaie de convaincre je tape sur un clou déjà enfoncé parce que il y a l'air d'avoir il y a vraiment un consensus présentement de la chasse c'est quelque chose d'important puis faut la préserver et non elle ne sera pas privatisée. Non. Fait que le Christian est bien content de ce que je dis. Oui, ça c'est confirmé. Ça job. Exact. Voilà. C'est tout? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, c'était une chronique, remplie de viande. De viande, ouais, c'est ça, c'était de viande, de bière, de café, de parking. De positivité. C'est ça, effectivement. Oui. Tu sais, c'est pas... Tu sais, critiquer, tu sais, on a tendance à penser que la critique, c'est tout le temps dire des affaires négatives. Pas nécessairement. La critique, c'est dire les pour et les contre de quelque chose. C'est vrai. On peut dire les pour des fois. Et on est à chronique dans Zone Campus. Oui. Avec ça aujourd'hui, mardi. On te retrouve dans 2 semaines, oui. Mardi à 7h30 à Assemblage Requis pour la chronique éditoriale. Sébastien Gartin, merci beaucoup. Effectivement. Bonne journée. Merci à vous. Steph, j'ai envie de retourner à la semaine passée. Tu te souviens de ton poste d'écoute? Non. C'était bien celle-là ici, James Irwin. Irwin. Ah ben oui, bien raison. On dirait vraiment un genre, en tout cas. Finalement, je m'en souviens plus que toi. Mais on dirait que ça. donc, James Irwin, et l'album s'appelle Unreal. On écoute un extrait Michigan Miami tout de suite. Ça fait son entrée à partir de bientôt dans les prochaines secondes, minutes. Là, pas mal. Là. Mais aussi qu'on dit. Aussi que je pèse sur le piton maintenant. Là. Attention. Assemblage de qui? Sur ses fous. River. And I'd always love this river. Win et la pièce Michigan Miami au 89.1 FM. On prend une petite pause au retour. C'est Gabriel Béhoud et la chronique dans les coulisses de la Luitre. On parle d'improvisation puis sûrement d'autres affaires aussi. Excuse-moi? Rien, ça me tente plus de le dire. Sûrement moins pertinente probablement. Non, m'intéresse pas. M'intéresse pas? Là. La crotte! Fou de midi divertissant. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi 24 février 2015 avec Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. On est avec Gabriel Béhoud. Allô? Un gars qui fait pas des wouhou, lui, parce que ce serait ben trop énervé. Ben là, hein, il est quand même 8h le matin, là. C'est ça, ouais. Ouais, c'est à 8h le matin, ce qu'on parle, c'est du métal avec une grosse voix. Ben oui. Donc, Gabriel Béhoud qui arrive, voici la chronique dans les coulisses de la Luitre. Salut, ça va Mathieu? Ça va, toi ça va bien, moi ça va super bien. Ça. Ça va toujours très bien. C'est cool ça, c'est cool quand ça va bien, les choses. C'est un beau dicton ça. C'est vrai ça, comme disait Socrate. C'est cool quand ça va bien les choses. Yo les jeunes. C'est cool quand ça va bien. Hashtag have a nice day. Donc ben tiens, on va commencer. Tu sais, on a toujours la misère avec l'ordre des choses dans cette chronique là, tu trouves pas? Oui. C'est un problème que j'ai fréquemment. J'suis désordonné. Un petit peu désordonné, tu sais. On a tendance à commencer avec ta capsule là, le soir le matin. On pourrait faire ça. Je pense que c'est pas mal la bonne idée. Puis après ça, on reviendra sur la semaine passée. On commence par le match d'hier. Voici lundi soir le matin. Allez, allez, allez! Vous écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Alors, je suis présentement au 10-12 en vue du match qui oppose les Bleus aux Verts, deux équipes de la Luitre, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Et maintenant, faisons place au face-à-face avant ce match endiablé. Face-à-face. Je suis avec William Drapeau, le joueur de l'équipe des Verts. Will the Kill, comment ça va? Ah, ça va très bien. Comment tu appréhendes ton match de ce soir, Will? Je suis très nerveux, mais j'ai tendance à être de plus en plus nerveux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-tu ça l'odeur? Oui. Alors pour les gens à la maison... juste s'intoniser trois postes plus loin, vous allez voir l'odeur. Puis Will, comment tu résumerais ta saison jusqu'à date? J'imagine que c'est ton avant-dernier match régulier, si je ne m'abuse. C'est mon avant-dernier match régulier. Je crois que j'ai une saison à la hauteur de toutes mes espérances. Nous avons une équipe formidable, taillée pour les séries. Je vois l'avenir avec deux yeux bien ouverts. Si tu te comparais à un joueur professionnel de peu importe le sport, tu serais? Je serais Timo Selanne. Oh là là, un très bon joueur, William. Oui. Je te souhaite un bon match. Merci, merci, vous aussi. Face à face. Je suis avec un de mes collègues radiophoniques, Mathieu Plante. On risque de se retrouver bientôt, Mathieu. Je ne reconnais pas votre visage, monsieur. Vous n'êtes pas le même Gabriel Béhoud que le matin. Là. Non, c'est... Ben, c'est... Mathieu, fais-tu longtemps que tu es animateur à la Luître? À la Luître, la Ligue universitaire des professeurs. Ça fait 5 mois, je pense. Depuis l'automne, je dirais. Donc, tu es dû pour dans 4 mois. Félicitations, Mathieu, c'est super. Et puis, qu'est-ce que tu aimes de cet emploi? J'aime te voir. Si j'ai un enfant, je vais l'appeler Gabriel Béhoud, 3e du nom. Je trouve ça un petit peu troublant, mais très touchant à la fois. C'est comme la fois où... I love you, Mathieu. Rappelle-moi pas ça, ça, je vais pleurer. Bon match, Mathieu. Toi aussi. Face à face. Alors, je suis avec l'arbitre Maxime Tanguay. Salut, Max. Salut, Gab, ça va? Pas pire, je voulais savoir, l'étoile de l'arbitre, là, c'est-tu tout écrit d'avance, ça? C'est qui, à soir? J'utilise une technique de mon grand mentor qui s'appelle Marc-André Fortin, d'IMAF. Et l'étoile d'arbitre est généralement pigée. Pigée au hasard? Le principe de la pige, c'est effectivement d'essayer d'atteindre un certain niveau d'hasard, donc oui. Et ce soir, je dirais que ça s'enligne pour être du côté des Bleus, mais je ne sais pas qui encore. Une chance que c'est les Bleus, là, pas les Rouges ou les Oranges, parce que le hasard ferait bien mal les choses, Max. Ce serait confus. Ce serait très confus, effectivement. Mais ma technique, c'est qu'aussitôt qu'un joueur me fait chier, je le retire du bol. Donc, l'étoile de l'arbitre va aller à... Je sais pas encore. Je vais travailler là-dessus, mais je peux t'assurer que ce sera pas toi. Parfait. Merci. Myriam, qu'est-ce que tu penses de ta performance qui t'a valu l'étoile? Mais pour vrai, j'ai trouvé qu'on a vraiment bien joué ce soir, les Bleus. On était bien, on était relax, on était ensemble. Qu'est-ce que tu aimes de l'improvisation avec les Bleus contre les Verts dans la Luître? Ben, c'est deux énergies complètement différentes. Les Verts sont quand même, ils vont beaucoup amener de gags et de rythme, je pense, tandis que nous, on va amener beaucoup d'écoute. Et j'ose espérer de construction. Donc, ça fait un beau mix ensemble. Mais j'ai pas trouvé qu'il y avait eu beaucoup de mix ce soir. C'est vrai, j'y avais pas vraiment pensé, Myriam. Je souhaitais une bonne fin de soirée et une célébration de tous les temps. Merci, Gabriel Béhoud. Ah, c'était lundi soir le matin, la chronique d'impro de Gabriel Boutantrain-Houd. C'est pour ça que j'ai dit 3e du nom, là, si je nommais mon enfant Gabriel Béhoud. C'est parce que toi, t'es Gabriel Béhoud en studio là. Oui, c'est bien nous. Moi. Gabriel Boutantrain-Houd, notre journaliste sur le terrain. Oui. Hein? Et Gabriel Béhoud, 3e du nom, mon enfant futur. Ton futur fils. Et le B, ça serait pourquoi celui-là? Pour bébé, clairement. Ah, ça va être le fun. C'est un bébé. Ça va être le fun rendu à 35 ans. J'ai hâte de voir ça. Sablon, on va pouvoir l'appeler bébé, mais ça sera pas un... sur le nom de caca. Là, c'est ça, c'est son nom. Non, vrai c'est vraiment laid appeler son enfant bébé. Bébé Hood. Baby. Hey, bébé. Hit non. Me baby one more time. Ben oui. Donc, le match d'hier soir entre les Bleus et les Verts, qui est un match régulier, ils se font rares, ces matchs réguliers-là. Ben oui, hey, si on pense à la semaine passée, il y en a eu quoi? Zéro? La semaine passée, les matchs réguliers, il y en a eu zéro. En effet, tu comptes vraiment bien. Il y en a eu trois spéciaux. Oui. Hein? Mais attends, avant de revenir là, donc le match bleu-vert qui a fini avec l'équipe gagnante qui était les Verts. 8-7, un match très serré une fois de plus. Encore une fois, avec plein de choses extraordinaires de la part de Maxime Tanguay, dont une impro, un jeu de mots. Oui. Où les gens, ça a tombé à plat, ça, mais les gens devaient faire des jeux de mots. C'était Vincent Rinvé et William Drapeau. Oui. William Drapeau qui avait de la difficulté à se retrouver dans les jeux de mots. Bon, on avait un petit peu de détresse à un moment donné dans son regard. Là, urgence, aidez-moi, ça. Aidez-moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi de spécial? Il y a une impro où fallait qu'il devine c'est une improvisation Oscar. C'était une fusillade. Et puis c'était cool parce que l'équipe qui gagnait avait le droit d'imposer une difficulté à l'autre équipe dans la deuxième moitié du match. Et puis finalement, les Verts ont gagné l'impro Oscar. Oui. Et puis les Bleus ont relevé le défi avec brio, ne pouvant prononcer qu'une seule phrase durant toute l'impro. Chaque personne, les quatre dans l'impro, devait avoir une seule phrase. Par exemple, bon, j'ai encore mis mes bobettes roses, je sais pas quoi. Oui. Je peux pas, je dois aller au CrossFit. C'est vrai. Merci chérie, je t'aime, quelque chose du genre. Oui. On finissait avec un roche-papier-ciseaux. Oui, c'est ça. Mais tout le temps, tout le long des 3 minutes de l'improvisation, c'était les seules phrases qui pouvaient être utilisées par chacune des personnes. Ça a été très bon et très dramatique, avec des répliques très, très absurdes. Oui, savoureuses. Mm-hmm. J'ai coanimé avec Alexandre Laramie-Zwicky. Tu sais, bien qu'Alexandre Laramie-Zwicky, tu lui donnes 1 cm, il prend 1 km. Ouais, c'était comique. J'ai pris le siège dans l'arrière pendant son match d'improvisation, c'est bien drôle. Mais c'était bien comique, votre animation. C'était le fun, j'ai bien apprécié ça. Donc, ça, c'était le match d'hier, bleu contre vert. Si on recule, comme tu l'as dit, la semaine passée, il y avait 3 matchs. Hey, ben oui. On a déjà eu l'occasion de parler du match du lundi soir parce qu'on s'est vu mardi dernier. Ouais. C'était le match où la Lime venait sur notre terrain jouer et on a gagné. Ouais. Ensuite, mardi soir, c'était sur le terrain de la Lime, et là, c'est la Lime qui a gagné. Oui, donc on sent vraiment l'avantage de la maison là, dans cette série-là. Là. Vraiment, et il faut rappeler que la Lime n'a pas le même système de votation. Non, pas du tout. C'est des votes à main levée avec des cartons une fois à la toute fin, et au milieu, on vote dans des boîtes secrètes. Exactement. Donc, ça a donné un match où il y avait une très, très, très longue distance d'avance pour la Lime. Oui. Une très longue... Ça a fini quelque chose comme 41-19. Genre, quelque chose comme ça. Un tout petit chiffre pour la lutte, mais quand même. Et ça a fini sur une égalité, donc un point pour la lutte, un point pour la Lime. On sait toujours pas qui gagne. Et de toute façon, il n'y a pas de coupe. Et on l'a dit, c'est même pas la Coupe Trois-Rivières. C'est rendu un match amical Lime-Lutte. Donc, c'était très plaisant. C'est ça. Mais ça a fini sur un pot-potch pareil. Non, c'est ça. Ensuite, on s'est revu aussi jeudi. Oui, oui, oui. Pour un match contre le King de Québec. Oui. T'as le fun? T'es venu l'assister un petit peu? Ouais, je suis venu assister durant une pause de cours. Puis finalement, je l'ai tiré un petit peu. J'ai manqué de respect à mes collègues qui passaient des euros. Ouais. Mais ça a été plus que plaisant, les improvisations que j'ai vues. La kick, elle semblait avoir une équipe hors du commun. Là. C'était. Ben, dans l'équipe, il y avait une belle énergie, en tout cas. Dans le kick, entre autres, il y a Jocelyn Garneau qu'on connaît pour la Lime. Il est aussi arbitre substitut à la Luitre. Oui, il est phénoménal, là, ce gars-là. Il est partout et ça finit cette impro-là. Ben, pas l'impro, mais le match avec l'utilisation des bandes accessoires un peu dans un match de. Dans une impro de guerre où on a défait les bandes, on a vraiment enlevé les vis qui tiennent les bandes ensemble et on s'est servi de la bande pour faire une tranchée entre les deux groupes et puis on marchait en funambule dessus puis à un moment donné ça tombait par terre puis là, c'était vraiment l'apocalypse et genre les lumières étaient utilisées aussi pour faire des effets de lever du soleil. C'était vraiment assez malade comme match. C'était fun. Il y a des photos sur la page Facebook de la Luitre. Oui, j'ai vu ça, des super belles photos que vous pouvez aller liker justement. Merci, j'ai c'est que mon iPhone dans l'arrière du banc du DJ. Il y a pas des bonnes photos, mais OK. Ben, c'est des belles photos. Ben, c'est ça, c'est le fun. Les iPhones. Ben oui, mais les produits Apple, on sait bien. Ben oui. On sait bien. Bon, donc ça, c'était la semaine passée qui vous a achevé complètement. Cette semaine, on reprend ça vraiment mollo. Et on va continuer quand même semi-mollo pour le prochain match qui est jeudi prochain, pas lundi. Non. C'est la semaine de relâche la semaine prochaine, donc pas de match lundi. Ouais, ouais. On se voit jeudi pour une lutte feutrée. Oui, la lutte feutrée, ben, c'est un concept qui est vraiment différent des matchs habituels. En fait, c'est que y a pas d'équipe. Les gens vont là, c'est un peu plus smooth là, comme impro. C'est vraiment. On donne des directives de jeu. Il n'y aura pas nécessairement de thème ni de catégorie. Si c'est un bar de pinot, ce serait un bar de pinot fouetté. Oui, exactement. Oui, oui, le jaune. Là. On a passé l'appel à la louite fouettée. De se faire. On manquait de consonnes puis de voyelles. C'est ça. On a fait feutrer. Ça avait l'air raciste aussi, la louite fouettée. Ouais, c'est pas très beau. Non, c'est ça. Nos collègues du Brésil nous auraient pas aimé. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est une petite formule d'improvisation smooth. Fait que si vous avez la chance de venir voir ça, un petit jeudi en relâche, Au lieu de pleurer chez vous, c'est venez ça. Pleurer ici. Ben, c'est ça. Chasse-galerie, 20h. C'est jeudi, faut le retenir, c'est jeudi. C'est ça, c'est sécher votre peine en étant peinard à la chasse-galerie à la place. Oui, c'est pas sécher vos peines, ça c'est une autre activité. Sécher vos peines à la chasse-galerie. As-tu dit ça? Je suis pas être sûr, tu l'as dit ça? Tu l'as dit. Là? Il est 8h15. On note l'heure. Donc, lutte feutrée jeudi. Et ensuite, on va revenir avec un match régulier. On aura l'occasion d'en reparler d'ici là, mais le lundi. Orange vert. C'est orange bleu. Orange bleu. Ouais. Ah, puis après ça, ça va être orange vert la semaine d'après. Mais ça, ça commence à être loin. Là, on s'en reparlera, tu sais. Il reste encore deux matchs réguliers, monsieur. Il reste, ben en fait, c'est ça. Le calendrier pourrait changer éventuellement, mais pour l'instant, il reste deux matchs réguliers. Un bleu-orange et un orange-vert. Et cinq, au mois de mars. Voilà. Date à déterminer. Parce qu'il y a plein d'autres affaires autour de ça, dont on parlera plus tard. Oui, ben oui, parce que juste après ça, ça va être les séries éliminatoires. Puis avant ça, ça va être la Poké-Luite. La Poké-Luite, ça, c'est toujours très, très, très, très le fun. Ah, qu'on a hâte de vous en parler, ça. On garde le secret puis le suspense, mais on a hâte en maudit. On a hâte en maudit. Écoutez, @KPro pour en savoir plus. On est en train de parler de beurre de pinot tantôt. Votre sorte de préférée de beurre de pinot, mettons, c'est laquelle? La compagnie ou la sorte? Tout le kit, moi, là, je veux de la spécificité. Mm. Moi, en fait, présentement, je trompe mon beurre de pinot préféré. Ah, moi, c'est le. Moi, j'aime le beurre d'arachide 100% arachide naturel. Okay. Je me souviens pas du nom de la marque, mais. Non. Tu sais, le nom du côté bio. Le produit du terroir, le Kraft. Tu sais, le pot, il est un peu comme. Ah oui, les poils. Évasé vers le haut. Ouais. Du Etsy, c'est ça? Ah, du haut Pinotti. Non, c'est ça, c'est genre. Hein? C'est genre nature, quelque chose comme ça, là. Puis ben, moi, je vais avec le smoke, là, pas le croquant. Ben non, OK. Mais moi, j'aime bien le croquant une fois de temps en temps, mais j'avoue que le fouetté est parmi mes préférés, pareil. Fouetté, c'est comme le filet léger, là. Mais c'est pareil comme du filet léger, c'est vrai, ça. Sinon, celui avec. J'aime bien celui aux bananes granola. Mais ça, c'est un produit du terroir de Kraft, là. What? Ouais, mais ça sert à rien. Ça goûte mais, bon. Non, mais tu mets du beurre de peanut, tu mets des tranches de bananes. Ouais, mais est-ce que j'ai des bananes chez nous, là? Hey, on n'a pas le temps de faire ça. Non, hey. La vie avance dans la vie, là. Comme disait Socrate. Oui. La vie à tourne. La vie tourne. So, bird of peanuts, you know. Bird of pea, my nuts. Sèche le pen, il disait Socrate, il était tout en train de se sécher le pen. Fait qu'il a bu le cigu. Le cigu? Ouais. C'est quoi ça? Il est mort. Comme ça. Le cigu est un. Tu m'annonces ça de même. Ouais. Il est mort! Mais tout ça pour dire, moi je sais pas. Mon beurre de pinot préféré. Parce que moi, c'est rare que le beurre de pinot est l'ingrédient principal sur une toast. Ah, OK. Parce que je vais souvent Le pain est pas mal l'ingrédient principal. Oui, mais souvent, je vais avec peanut butter jelly. Ah, ouais, peanut butter jelly time. Yeah, exactement. Puis mais... ça, là, c'est imbattable. C'est la vie. C'est vrai, c'est bon. Le miel en crème. Miel en crème. C'est comme du miel tartinable pour les toasts, là. C'était cœur, hein. C'était très cœur. Baraté, là. C'est ouais, comme baraté. Blanc, là. Blanc. Essayez ça, pour vrai, ceux qui n'ont pas essayé ça, moi je l'ai fait ça l'été passé. C'est bon en maudit. C'est vraiment bon. Sinon, je dirais, ball de pin, c'est une toast. Oui. Puis Nutella, c'est une autre toast. Oh, c'est bon, là, ça goûte les Reese. Non, mais attends un peu, c'est que tu y vas triangle par triangle, OK? Parce que moi, je coupe sans triangle, clairement. OK. Mais, un côté ball de pin, un côté Nutella. Puis à la fin, quand il en reste rien que deux, smoosh it up! Dans ta gueule. Mais ça, tu manges pas deux toasts, t'en manges 25 avec cette recette-là, Mathieu. Tu peux pas en manger 25, c'est un chiffre impair. Comment tu fais pour faire ton smoosh à la fin? Eh oui, ça, c'est comme le. Moi, j'ai un petit toc, là. Ouais. Mais c'est pas vraiment un toc, parce que les tocs, c'est vraiment un trouble mental. Je pense pas que je suivrais personne. Mais... Ouais, mais moi, les chiffres là, sur le volume de télé, là, c'est des multiples de 5. Moi aussi. Ben, moi, c'est 25, c'est 30, 30, 35, 40. Moi, ça m'insulte à mon chum, mais ça à 24. À 33. Allô, what the fuck? Ouais, ben, fuck you, mais ça à 25. Hey, non, mais pour vrai, puis la radio, là, à un moment donné, c'est parce que c'est 89 ans, mais on s'entend pour dire que c'est pas un chiffre rond. Là. Moi, j'aimerais ça, si c'est fou, c'était au 89. Là. Ou même un chiffre carré. Un 90. Ben oui. On va te mettre sur le 90. Je trouve qu'au 100, ça serait écœurant. Ah, au 100,1, par exemple, tu sais. Non, juste 100. Juste 100, tu cours. OK, ouais. On pourrait faire le super jeu de mots bizarre. Hey, j'écoute C'est fou au 100. Oui. Là, tu l'écoutes un peu trop intense. Ouais, j'adore ça. On se fait un pack de 100. Là, tu fais plein d'affaires autour de ça. Ça serait écœurant. Ça serait fou. Ouais. C'est fou. C'est fou. Hey, ça n'a jamais été fait. Aïe. Ça n'a jamais été fait. C'est vrai? Non. La déception dans ses yeux. En tout cas, non, c'est un sujet qu'on a rarement abordé, les déjeuners, je trouve, dans ta chronique, Gabriel oui. Béhoud. C'était manquant, je trouvais. Moi, la tartinade que j'aimerais racheter, qui me rappellerait mon enfance, que j'ai jamais vraiment osé acheter dans ma vie adulte, parce que j'essaie de bien manger là, dans la vie, mais c'est, tu sais, le caramel ganache, là, oh, dans vale. Le pot orange ah, ouais. brun, avec le genre de bébé qui se liche. Là. Mais oh, oui. Hey, c'est vrai bon, qu'ils n'ont pas changé le design depuis des années. Non, mais je veux pas qu'ils changent. Mais ça, avez-vous goûté à eux autres qui font la même affaire? Là. C'est genre du marshmallow. Oui, fluffy. Hein? Ouais, il y a le fluff. Ah, barnam, fluffy. Ça, là, ça a aucun c'est sens. C'est bon, mais une fois, après ça, t'es comme... Je tu digères pendant 10 ans. Ouais, mais il y a tellement de choses que tu peux faire avec du fluff demain. Ah, pour vrai? Ouais. Ah, ouais. Tu peux full cuisiner plein d'affaires au fluff. Wow! Uh-huh. Mais avez-vous essayé le truc qui est fait avec des biscuits? Spicoulous. Peut-être plus vague un peu. Non, c'est que c'est vrai. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc, c'est une tartinade composée de biscuits en pâte, un peu comme une pâte de biscuits. C'est genre. C'est donc ben pâte. Spicoulous. Tu magasines où, toi? Spicoulous. Ah, c'est ça. Ça, c'est pour s'ouvrir le. Spicoulous. C'est pour s'ouvrir l'artagin féminin, ça. C'est pour... Mais ça, c'est tartiné sur une toast, un artagin féminin. Là, c'est vraiment. C'est comme sécher le pen. Mm. On aurait pu le dire moins de 4 fois dans la chronique. Ça, ouais. Cette expression-là, ça n'était pas pire, tu sais. Mais, moi, je l'ai pas d'une fois. Non, je sais, mais t'es une fille de classe, toi. C'est ça. C'est quoi le rapport? Je peux pas parler de peine? Parce que je suis une fille? Ouais, ouais, tu peux, mais c'est que tu te retiens, ça. C'est pas une toune de Daniel Bélanger, ça, si je t'ai peine. Oh, boy! Oh. Hey boy! Eh là là! Sèche-toi le pen! Je t'en prie! Sèche-toi le pen! Ah, ouais! Hey! Je pensais que le sujet principal de la deuxième partie serait les déjeuners, mais finalement... Non, ça a été... Ça a t'es jamais séché le pen au déjeuner? Hey, votre déjeuner préféré, à part... votre déjeuner préféré? Moi, ça... Bacon? Kevin Bacon? Moi, je suis très sucré dans la vie. Fait que moi, déjeuner, c'est sucré, mais ça me prend tout un petit à côté de bacon. Ah, oui. Non, mais je vais au resto. Moi, je prends le déjeuner cochon. Oui. Tu sais, le déjeuner du gros troqueur sale avec la crêpe, le bacon, les saucisses. Tu changes le jambon en bacon. Mais c'est ce que je fais aussi. Oui, je dis. Mais à la fin, tu finis par pas manger les beans, d'ailleurs. Fait que dis. Non. Puis non, c'était... non, les beans, que oui, j'aime ça. Je mange tout. Been there, done that, comme on dit. Mais il me reste tout le temps de toast. Tu dis, j'en mange chez nous des toasts. C'est cool parce que ce déjeuner-là, d'ici à Rimouski, il y a à peu près 2500 sortes de manière de l'appeler, mais c'est tout le temps la même chose. Ah, c'est le gourmand. Ah, c'est ça, c'est tout le temps deux œufs, trois viandes. C'est genre le troqueur, le camionneur. Le Joe Construction. Quand tu parles de jeu du trucker, tu lui demandes, je vais te troquer le bacon, tu sais, le jambon pour du bacon, tu demandes ça. Hey, man, ton ça va être mêlé. La vie, elle te met un extra ying pour ce fabuleux jeu de mots. Ah, mais ça, avec un peu de miel sur le elle bacon. Elle va te faire un sourire avec le bacon et les œufs. Mais si tu miel sur ton bacon? Non! Yes. Non, mais le mélange sucré salé est vraiment pertinent. Mais oui, mais je mange déjà ça avec mes crêpes et mon sirop d'érable. Le bacon, c'est... Du bacon, c'est parfait en soi, pas besoin de rajouter quelque chose. Ah. Hey, votre bacon, le mangez-vous mou ou croustillant qui explose en bouche? Croustillant. Ah, enfin du vrai monde. Croustibat. C'est une sorte de poisson français, ça. Oui, c'est ça, j'ai trouvé ça malaise. Hey, avez-vous vu la version plus récente de la publicité des croustibat? C'est un bâton de fromage français. Bâton de fromage ou de poisson? Poisson. Mais j'ai aucune idée de quoi tu parles. Mais bref, il y a une publicité, puis ça parle de croustibat. C'est quand même assez populaire sur Facebook. Puis ils ont fait une version plus récemment. C'est des croustibat méga balls. Genre, c'est vraiment très long. Vrai, ça. Ah, je vous jure. Ils sont-ils au courant que c'est bizarre? Mais je pense qu'en France, ça n'est pas bizarre. Moi, ça me fait rire, là, que ce soit au fromage ou au poisson, puis ça s'appelle croustibat. Je trouve que c'est un combo. Le produit pouvait pas être mieux, non mais. Mais est-ce qu'on peut essayer de trouver pourquoi ça s'appelle des croustibats? Mettons, est-ce que c'est parce que c'est des bâtonnets, probablement? Croustillant. Probablement. Est-ce qu'on prononce vraiment le T à la fin? Oui, oui. Ah. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est la meilleure affaire, ever. Les croustibats. Les croustibats. Des bas. Non, moi je veux pas savoir ce que tu fais avec ton bas, surtout quand tu sèches le pen. Croustillant. C'est pour ça que des fois, t'as les bas croustillants, là, ils sèchent. Ah, et ben, ça c'est. C'est vrai que ça se lave, hein, des bas. Ça se lave. Les croustibats. Ouais. Je me suis lavé le croustibat. Oh, ben. Ouais. Mais c'est pas des déjeuners, ça. Moi, je pense des œufs bénédictines, là. C'est la pire chose au monde. Moi, du jaune cru, là. C'est ça me donne le goût de vomir. C'est si bon. Non. Non, je trouve, ouais, je sais pas. Je trouve pas celle qui parle des méga balls, mais j'ai la nouvelle publicité de 2014 pour ceux qui l'ont pas encore entendu, mettons, t'sais, juste pour le fun. Des croustibates. Super croustillant. Elle est plate, leur nouvelle, elle est vraiment plate. Il se passe rien, il parle pas. Sans huile de palme. Croustibates, qui veut te battre? Findus. Ouais, c'est pas celle avec les balls, par exemple. Ça manque. Oh mon dieu. Ça manque de balls. Des croustibates super balls. Ben c'est ça, genre. Ah, ils font-tu juste ça? C'est-tu une compagnie? Non, c'est non, compagnie non, c'est de... Findus. Ils font plein de produits pour les enfants. Genre. Ah, regarde. C'était pas très pertinent, ça, par exemple. Vous irez voir, là. J'ai pensé à ça. Je reviens comme un mois et demi en arrière. Là. Tu m'as fait penser à ça. Le Liquid Slam. C'est comme une fausse pub. De jus pour enfants. Ah, je l'ai vu! C'est tellement hilarant. Ça devient trash. C'est comme une publicité de jus en pochette des années 90. Oh, où oui. Tout le monde s'est transformé en blob, genre un peu comme à la Transformers. Pas Transformers, mais. Animorphe, ou je sais pas ouais, trop. Genre animorphe. Puis ils devenaient comme des flags de quelque chose, puis ils s'en allaient à quelque part ailleurs. Mais là, ça fait des meurtres, puis ça gicle de somme partout. C'est vraiment c'est bon. C'est hilarant. Liquid quoi? Liquid slam. Liquid slam, ouais, c'est ça, genre. Donc, chercher ça, ben c'est bon, c'est drôle. La petite musique des années 90. Mais c'est. Ouais. Okay. Fait que c'est pas mal ça, je pense. Ouais. À un moment donné, ils se mettent amis avec un grand joueur de football de adulte, puis ils dînent avec eux autres. Ils dînent avec quatre enfants, puis c'est. Tout est rien de plus normal. On va la décrire un peu. Donc, ils sont dans la cuisine, mettons. Habillés en fluo. Genre. With down Darius Jackson. Let's go! Allons-y! Donc là, going anywhere. La marque est reçue dans le cadrage à porte. Without your big game liquid slam. Ne partez pas sans votre jus en poche! Yes, sir! C'est délicieux! Là, il se transforme en genre de métal liquide comme un Terminator 2. La mère a fait comme « Oh, les enfants! Ah. » Oh. Là, il y a un joueur de football qui arrive qui lance un ballon. Un nerf. Nerf? Wow! Les slams arrivent de métal. Effectivement. Ils font un blob et là soudainement c'est une espèce de bête défigurée. Genre. Un genre de monstre des trois enfants amalgamés ensemble. Qui tue les autres enfants. C'est intensément trop drôle. Ça peut durer à virer de bord. Ça se met à vomir du sang vert là. Ah oui, c'est pas de l'acide. Sans son gros gun! Lance-flamme. Là, ensuite, ils sont dans la cuisine. Il en manque un, par exemple. Un air un peu débileux, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, les enfants? Bon, ben j'ai la réponse pour vous. Des super collations! C'est des pizzas en forme de ballon de football! Et celui-là? Le joueur de football est là, en plus. Il danse. Et là, la mère se fait défoncer le ventre par une créature. On zoome aussi sur la chaise du gars qui est mort, le petit oui. garçon. Oh. Ah. En tout cas, meilleure annonce de tous les temps. Vraiment. T'annonces de quoi, là? De rien. Ouais, ça existe même pas, c'est comme une fausse pub. Ah, c'est parfait, ça. C'était parfait. Liquid Slam, c'est par Rocket Jump. C'est une troupe humoristique qui a fait ça. Il y a aussi une version non censurée. Ça, c'est la version censurée. Étrangement, ça giclait le sang de partout, mais c'était la version. C'est la version censurée. Je te jure, c'est la version censurée. Bref, nous voilà rendus calés à la fin, je pense, de ta chronique. Ben oui, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. C'était pertinent du début à la fin. Ben. Sauf pour la fin. Hey, et le milieu. Hein? Juste rappeler aux gens, ouais. Jeudi prochain, pas cette semaine. Arrête-moi. L'autre, durant la semaine de relâche. Pas la lutte feutrée encore. Il y a la lutte feutrée. Incroyable. Fait que présentez-vous à 8h à Chasse-Galerie, c'est gratuit. Comme toujours. Puis, ben c'est ça. C'était juste pour. T'as déjà bien fait, ça. Ça. Moi, pas qu'on me fasse de grief, tu comprends, Mathieu? Ben non. Page Facebook, La Luitre. Oui. Ben oui. Sur Facebook et uctr.ca/impro sur les 3W. Là-dessus, il y a tout. Il y a le résumé de match, des photos, le calendrier, le score, des photos toutes nues. Est-ce que quelque chose qu'il n'y a pas? Ben c'est ça. C'est ça. Tu sais, une galerie de. De sèche-peine. La galerie de sèche-peine. C'est rempli de sèche-peine, de suspense. Pardon? Ça joue moi avec sèche-peine puis suspense. Hey, comme mélange ensemble, c'est smoosh. Ben déjà. Smoosh. Suspense. Il y a déjà le mot pen dedans. J'avoue, t'as raison. Ben bon point. C'est un bon point. Il y a un autre mot aussi. C'est pour déjeuner. Tu sais. quand on parle, mettons, prendre du quick aux fraises, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est-tu dégueulasse, ça? Non! On pourrait, là, parle-moi pas sur le quick aux fraises ce matin. C'est pour la semaine prochaine. On va parler de votre quick préféré. Allez, attendez sur une thématique de déjeuner. Moi, c'est Jonathan. Jonathan Quick. T'es pas vite? Non, hein? Pas vite, quick. Oh, ouais. Oui, ben. Merci, Gabriel Béhoud. Bonne journée. À la semaine prochaine, c'est les mardis à 8h qu'on fait la chronique dans les coulisses de la huître. Ou comme on appelle des fois, dans les coulisses. Comme dans une huître lancée sur un mur, ça fait des coulisses. On est rendu à la pause. Au retour, on va avoir Myriam Lortie et la chronique du journal Zone Campus. Alors, restez avec nous. À son âge requis jusqu'à 9h30. Puis après ça, Master Steph s'en vient. Ouais. Ouais. On va regarder voir si c'est fondu. On n'a plus de frige d'air. Ah, ça va l'aspect! Puis le soleil, quand c'est fini! Fou de découverte à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mardi 24 février 2015. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ouh. On change complètement de thématique. Là, on a parlé de déjeuner sans cesse avec Gabriel Béhoud. Maintenant, on va un petit peu de l'huître aussi. De l'huître aussi, c'est vrai. À peine. C'est le moment d'être un petit peu plus sérieux. À peine. C'est un callback, ça. C'est un rappel d'une blague de tantôt, ça. Mais il fallait être là à ce moment-là parce qu'on fera pas ça avec Myriam Lortie du journal Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Myriam qui lâche cette dactylo 3 secondes pour venir nous parler du journal Zone Campus qui sort aujourd'hui. Mais oui, on travaille encore avec des dactylos. Mais ça, puis on tue des mouches aussi. En plein hiver. Mais oui. Très approprié, vraiment, là, comme intro. Bravo! Hey, bon matin, Assemblage requis. Bonjour, Madame Lortie. Je vous ai écouté parler de beurre de pinot dans l'auto, ça m'a fait vraiment plaisir. Au moins, c'est ce que t'en as retenu, parce qu'on a dit d'autres affaires un peu plus vulgaires, je trouve. Mais et toi, bon. Ton beurre d'arachide préféré? Moi? Ah, ben c'est parce que ça ressemblait au tien, puis c'est le naturo que tu c'est pars, ça. Mais le haut, il est en petites feuilles. Du haut, hein? Mais c'est comme une genre de feuille. T'as mais moi, je prends le. C'est lui avec un petit écureuil, là, mais vraiment cheap. Non, je pense que c'est pas le même. Non, mais moi, je prends l'autre. Okay. L'autre. Mais bio, pas rien là-dedans. Waouh! Des pinottes, que des pinottes! Oui! Mais nous, c'est ça, le journal, on vous le donne pour des pinottes, c'est-à-dire gratuitement. Tout à fait. Et le Zone Campus sort aujourd'hui avec en couverture, bien sûr, l'AGE et le début du processus électoral, c'est la nouvelle qui importe en ce moment. Oui, ben en fait, c'est que la mise en candidature peut se faire jusqu'à vendredi. OK. Et là, dans le fond, il y a une journaliste qui s'est entretenue avec le directeur général du comité électoral de l'AGE-UQTR. Ça risque d'être intéressant parce que là, ça fait quand même 3 ans que c'est Mathieu Roy qui est président de l'AGE. Il ne peut pas continuer. Il ne peut plus se représenter. Donc, c'est sûr qu'il y a un nouveau président. Il y en a d'autres aussi qui terminent leurs études. Donc, c'est sûr qu'ils ne reviennent pas non plus. Fait que ça risque d'être une équipe complètement nouvelle. Et moi, j'ai envie que beaucoup de gens s'impliquent pour qu'on puisse suivre ça dans le Zone Campus. Ben, c'est sûr, parce que ça va donner des nouvelles. Là, il va y avoir... C'est ça, les gens peuvent déposer leur dossier. Il y a beaucoup de gens qui sont venus chercher des formulaires. Reste à savoir s'ils vont les ramener pour se lancer officiellement dans la course. Et le comité électoral vise la mobilisation étudiante là est pas très très grande. Il est presque inexistante, ouais. Et l'année passée, il y a eu un taux de vote de 6%, ils visent un 15% cette année. Ils visent d'avoir 18 candidats qui se présentent. Là, je sais qu'il y en a à peu près 16 selon mes dernières informations qui étaient venus chercher un formulaire. Okay. Juste qu'ils le ramènent. Oui. Parce que c'est intéressant d'avoir un débat plus qu'une seule personne qui se présente. Contre la chaise, c'est un peu plate à regarder. Ouais, ou même il y a des postes que personne s'était présenté. Ouais, je ouais. Donc, c'est plate. Puis pour ça, ils ont des objectifs de visibilité. Mais là, il y a les affiches qu'on voit sur les babillards. Ouais. Et que là, c'est un petit peu controversé parce qu'ils ont affiché le montant de la bourse pour la première fois. Donc là, il y en a qui disent, est-ce que les gens vont s'impliquer juste pour le montant? Clairement. Et le comité électoral répond, non, mais ça va être décidé en débat, qu'on va être capable de déceler ces personnes. Puis on peut poser des questions, c'est quoi leurs objectifs pendant l'année. Puis ils veulent essayer de médiatiser aussi le débat. Il y a le 40 ans de l'AGE-UQTR qui s'en vient le 12 mars. Et là, à cette conférence de presse-là, ils vont l'annoncer comme quoi il y a le débat qui s'en vient. Le débat va être le 23 mars. Et le vote va se faire du 24 au 26 mars. Donc là, on est au début. Tout à fait. Juste pour te corriger, t'as dit 12 mars, c'est 19 mars pour la conférence de presse. Mais oh, pardon. C'était proche. Donc, ça, c'est pour l'AGE. Et vous avez entendu la pub sur les ondes de C'est Fou qui va continuer de jouer pour vous dire que vous pourriez être président. Je répète, président. On vient en page 2 pour parler de la journée du câlin Ergo Love, ergothérapie qui se souvient de tout ce qui s'est déroulé il y a quoi, un an et quelques, un petit peu environ. Ouais, ben, je pense qu'on pouvait pas vraiment ne pas en parler un an plus tard parce que ça a marqué quand même le campus. On a vu toute l'année des casquettes oranges, des carrés oranges, ergothérapie qui se promenait. Donc, ça a touché pas mal tout le monde. Puis finalement, c'est moi qui ai rencontré la présidente d'ergothérapie en ce moment. Puis on a discuté, puis mon mot en dessous, un peu rapport avec l'article que j'ai écrit, comme quoi ça m'a quand même touchée de voir à quel point, tu sais, eux, ils insistaient pour que sur les photos, ils soient vus comme étant souriantes, solidaires, et non pas comme les filles déprimées, désespérées. Puis c'est ce que je trouvais beau à voir avec ergothérapie, à quel point ils se sont tenus ensemble. Puis, ben là, en même temps, cette journée-là, le mercredi, on a appris le décès d'Olivier Chevrette dans les murs de l'université, ce qui est quand même un peu spécial trouvé par des étudiants. Donc, ça a quand même aussi touché le campus. Et donc, il y a deux pages en art et spectacle qui ont été dédiées qui ont été offertes à ses collègues du département de philosophie et des arts. Et c'est surtout des photos qui ont été envoyées parce que c'était un artiste quand même spécial que j'ai eu la chance de connaître et qui devait publier ses dessins dans le Zone Campus prochainement. Donc, voilà. Ouais. Et on va passer à autre chose, hein, sinon oui. Ça pourrait tourner un petit peu mal. On va continuer en actualité avec l'Association Générale des étudiants. Pas de privatisation pour la chasse-galerie. On en parlait un petit peu avec Sébastien Evgartin tantôt. Mais, oui, ben c'est ça, en fait, c'est qu'il n'y en aura pas de privatisation, puis que... vous en avez... D'accord. Voilà. Ensuite, la hausse des frais de scolarité des étudiants français, la facture va tripler dès l'automne, mais pas pour tout le monde. Oui, ça, on en avait parlé cet automne, et là, donc oui, la facture triple pour les nouveaux étudiants français qui viennent étudier au Québec. Ils n'auront plus les mêmes frais à payer que les Québécois. Sauf, cette hausse-là ne s'applique pas aux étudiants, à tous les étudiants français. En effet, là, en ce moment, il y a 12 000 étudiants qui ont entamé leurs études dans les universités du Québec et ils vont pouvoir les terminer au même coût qu'ils les paient en ce moment, c'est-à-dire au même frais que les Québécois. Et même les nouveaux qui viennent étudier au baccalauréat, donc ça va coûter le triple. S'ils poursuivent à la maîtrise au doctorat, là, ils vont payer les mêmes frais que les Québécois. Ah, okay. Donc, c'est vraiment pour les nouveaux qui entrent en premier cycle que là... Ça va peut-être les empêcher de venir, finalement. Ben, selon moi, oui, là. Puis, ben, il y a l'Association des Français, là, ici, à l'UQTR, qui regroupe 299 étudiants qui se disaient quand même un peu désarmés face à ça. Ils savent pas trop quoi faire, comment réagir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi. Ouais. Donc, peut-être à suivre. Peut-être. La table des régions de Trois-Rivières, projet d'association nationale. Oui, mais la table des régions, c'est des associations étudiantes de partout dans les régions qui se regroupent. Et là, il y a la dernière 6, 7, 8 février, ça s'est tenu ici à Trois-Rivières. Donc, on peut s'imaginer qu'ils ont grandement parlé d'austérité, le sujet de l'heure. Et ils ont notamment parlé de justement peut-être s'associer en une association nationale qui regrouperait les régions, donc qui pourrait peut-être... plus se faire entendre ainsi que leurs enjeux et débats. Après, très Trois-Rivières, c'est austérité. Trois-Rivières, je t'aime. L'éditorial de Sébastien Evgartin est là aussi, toujours en actualité. On continue, on saute plein d'affaires, mais vous pouvez les retrouver dans le journal, bien sûr. Oui, il y a eu une réunion du conseil d'administration de l'UQTR. Okay. Et il y a entre autres été décidé que... il va y avoir une maîtrise en art qui va être ouverte. Ah. Je sais que ça se discutait depuis longtemps. Et là, ça va être dès septembre. Cool! Ben, tant mieux. Oui. Donc, on a nos deux segments récurrents dans le journal, en commençant avec la recherche à l'UQTR. Témoigner du quotidien, les rapports antinomiques de l'écriture chez Annie Ernaux. Oui, ben en fait, c'est moi qui ai suggéré cette personne que tu connais aussi, Mathieu. C'est une collègue de la LIM. Ben, d'improvisation, puis moi, ça m'intriguait ce qu'elle faisait. Puis ça m'intrigue une maîtrise en lettres, ou je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, elle étudie Annie Ernaux, qui est une auteure française. Et donc, elle... tente de démontrer qu'on peut témoigner du quotidien. Et je te parlais des journaux extimes oui, c'est Dany Arnaud. Ben, un journal intime, c'est... aujourd'hui, je me suis sentie, telle personne m'a regardé. Et puis là, c'est à l'intérieur. Tandis qu'un journal extime, c'est exemple, tu peux être dans un train et là, d'écrire comme tout ce qui se passe autour de toi. T'es témoin de la vie. C'est un nouveau mot que j'ai appris. C'est très bien. Ensuite, dans Anciens étudiants, que sont-ils devenus? On parle à Amélie Gagnon, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Oui, bien, toujours intéressant de savoir ce qu'on peut faire avec un bac et où est-ce que les gens, que les diplômés sont rendus. Mais Amélie Gagnon, c'est quelqu'un qui a su concilier le travail et sa passion parce qu'elle a un travail, elle a étudié en loisirs, culture et tourisme, donc elle travaille dans le tourisme. Et elle pratique aussi sa musique. Je pense que tu la connais. Elle avait gagné une guitare en spectacle il y a 2 ans. Je crois que c'est 2 ans, avec entre autres Jean-François Veilleux dans son band à l'époque. Donc, elle continue de faire de la musique aussi. Voilà. Ensuite, la chronique « L'actualité démystifiée » de Marie-Odile Richard, un baillon qui porte bien son nom. Oui, mais elle, j'aime vraiment ça parce que c'est souvent des sujets d'actualité qu'on entend parler dans les nouvelles. Et qu'on comprend pas toujours parce qu'on dirait qu'ils prennent pour acquis qu'on connaît tout le... Ouais, le background, l'arrière-plan. Oui, et là, elle, ce qu'elle fait, là, c'est qu'elle prend ça puis elle nous décrit ça de façon très, très simple et... Et c'est de la vulgarisation. Vulgarisation d'actualité. C'est ça, et c'est pas genre un dessin non plus comme dans d'autres choses. Non, puis elle est très intelligente. Donc, ouais. La politique québécoise s'annonce palpitante pour les prochains mois. En effet, une annonce surprenante n'attend pas l'autre de la part du gouvernement Couillard, puisque le baillon a été utilisé lors de l'adoption du projet de loi 10. Et donc, elle nous parle du projet de loi 10 et de l'utilisation du baillon qui a été faite par M. Gaétan Barrette. Et c'est pas mal la seule place dans un campus où on parle d'actualité nationale ou provinciale. Oui, mais ça concerne les étudiants, entre autres, en médecine. Et en même temps, je pense que ça nous concerne tous aussi d'être au courant de ces choses-là. Et à travers les yeux d'une étudiante, c'est intéressant aussi. Elle nous explique bien ça. Ensuite, on passe en société. On a 5 chroniques. Commençons avec Kevin Gaudreau et entre les deux pôles. S'illusionner comme dans les téléromans, c'est la suite d'un précédent texte. Oui, donc lors de la dernière parution, le sujet de l'illusion a été présenté à l'aide de définitions et d'exemples. Maintenant, les illusions peuvent s'alimenter à partir de différentes sources sociales, environnementales et culturelles. Donc, c'est la suite de la chronique de d'il y a 2 semaines. D'il y a 1 numéro. Oui. Dans Le Monde en question, Jocelyn Aubut et Sheila Gaudreau nous disent « Élever nos enfants dans la neutralité ». Oui, donc les pronostics veulent que tôt ou tard, la grande majorité d'entre nous, près de 90%, aura des enfants, dont Stéphanie Paradis. Les questions du genre « Quelle sorte de suce orthodontique est la meilleure pour mon enfant ?» susciteront alors notre plus grand intérêt. Et d'autres types de questions concernant l'éthique, par exemple, se hisseront au premier rang de nos préoccupations. Compte tenu de la pluralisme religieux présent dans notre société, la question suivante sera certainement de leur nombre « Devrais-je enseigner à mon enfant mes croyances ?» Ouais. Donc, ça dit ce que ça dit. C'est ça. Propagande alimentaire dans la chronique de Christina Monfette-Fortin, l'art de monter une mayonnaise et autres propos comestibles. Oui, elle nous dit « Plus je vieillis, plus j'ai l'impression de devenir mes grands-mères. » Pour vous donner une petite idée, je peux rester à la maison un samedi soir et tricoter avec mon chat en buvant du thé. Parmi mes autres activités de mamie, vous vous doutez que la cuisine occupe une place de choix, parce qu'elle a une chronique culinaire. Je suis tellement casanière et routinière qu'une de mes manies de vieille fille est de cuisiner en écoutant la satirique émission d'actualité La soirée est encore jeune. Fidèle au poste, je dois avouer mon béguin pour la chronique Dans la besace de Jean-Sébastien Girard qui présente aux auditeurs ses trouvailles culturelles de la semaine et c'est ce qu'elle fait dans sa chronique. Elle présente ses trouvailles culturelles principalement trifluviennes. Voilà. Et même sur le campus, entre autres la chasse à sarrasin, qui font vraiment des bons sandwichs. Cool! Ben, c'est une géniale idée, ça. C'était le 8 mars dernier. En fait, le 8 mars prochain, ce sera la Journée internationale de la femme et dans Changer la vie, Norman Leclerc nous en parle. C'est quand il s'appelle Don't Call Me Baby Anymore. Voilà. Avec Jean-François Veilleux dans Je me souviens au pouvoir citoyen, c'est la suite d'il y a 2 numéros. Vous savez que le numéro passé, c'était ces affaires de hashtag canon chaud là, sur ça. Oui. Des poèmes de sexe. Mais il y a 2 semaines avant. Érotique, celui-là. Mais 2 semaines avant, c'était les véritables origines du Parti libéral du Québec, partie 1. Et là, on fait la partie 2. Oui. jusqu'à aujourd'hui. On va en art et spectacle pour la 11e édition du QTR en spectacle. C'est notre collègue du lundi matin, Olivier Lessard, qui a gagné la première place avec La Montagne est blanche. Oui, et quelle soirée vous avez manqué. C'est vraiment une belle soirée. C'est sûr que j'ai un petit parti pris pour les animateurs, peut-être. Le co-animateur étant, mettons, ton copain, peut-être. Étant disons, un de tes exemple. Copains, pas les deux. Mais on les connaît bien aussi comme joueurs d'impro ici à La Luître. Ils ont su aussi... ils ont bien assuré l'animation. Ils faisaient chacun une moitié de cerveau. Cerveau gauche, cerveau droit. Et première place, La Montagne est blanche, avec Olivier Lessard, Jean-François Chapdelaine, Alicia Lemieux et Frédéric Martineau. C'était vraiment beau à voir. Il y avait tous des petits chandails de laine. Il y avait une image de La Montagne est blanche. Puis on entendait souffler comme s'il faisait super froid avant qu'ils commencent leur tune. Puis là, ça réchauffait nos cœurs. C'est tombé le fun. Puis je pense que ça doit être leur, peut-être, authenticité, le fait qu'on sentait qu'ils étaient proches de nous aussi, puis que c'était des compositions originales d'Olivier Lessard qui a penché dans la balance. Deuxième place, Jean-François Veilleux, chanson a cappella. C'était quand même assez spécial, mais très original. Des vieilles chansons, genre des patriotes, là. Puis une, entre autres, qui a été reprise par Fred Pellerin, que je savais pas que c'était... je pensais que c'était Fred Pellerin qui l'avait écrite, mais non. Mais non. Et troisième place, Spinal Tap. Spinal Tap. C'est ça. Mais pas le vrai groupe. Ils m'ont tellement impressionné ce soir-là, là. C'est, entre autres, les deux filles au violon, là, sont mongols au violon. Je trouvais pas d'autres mots, c'est ça qui me venait. Oh, OK. Une belle soirée. Université en spectacle s'en vient plus tard pour le groupe gagnant du QTR en spectacle qui va aller affronter les autres sections. La finale nationale. Provinciale, hein? Provinciale, ben la nation québécoise. Mm-hmm. je trouve plus la date, Mathieu. Ah, excuse-moi. Je sais pas, attends. La finale, mais je pense que c'est en mars. Je vais revenir avec ça. Ouais, je sais pas. 4 avril, salle Anaïs Allard-Rousseau. C'est ça, la finale se fait ici, à Trois-Rivières. Okay. Ça se fait toujours dans une région. Et juste avant ça, au festival, il va y avoir aussi les gagnants sur la scène le 30 juin. Oui, mais en plus des trois prix, il y avait le festival remettait des prix, c'est fou. Oui. Et mais c'est pas mal toutes les mêmes. Tout le monde a donné les prix au même groupe. Fait que, Oui, il y en a un qui j'ai trouvé vraiment bon puis qui n'ont rien gagné, mais bon. Dommage. C'est la vie. L'année prochaine, peut-être. Hein. Après ça, c'est le dossier sur Olivier Chevrette. On en a parlé au début de la chronique. On va rester avec des chroniques maintenant. Donc, dans les lunettes du frisé, avec Félix-Antoine Desilets-Rousseau, une boréale noire, c'est le titre de sa chronique toujours. Oui, ben lui aussi, il nous parle... en fait, sa chronique est en deux parties. Il nous parle, entre autres, d'Olivier Chevrette qui venait toujours se chercher une boréale noire ici à la Chasse-Galerie parce qu'il travaille à la Chasse-Galerie. Donc, il parle un petit peu de ça. Puis sinon, il fait un retour sur le troisième album de Tire le Coyote, Panorama. Il parle le projet de Benoît Pinette. Ah, que ça me rejoint pas. t'aimes pas ça, toi, Tire le Coyote? Ça. Je peux t'en préparer pour après la chronique, par exemple. Ah oui, mais j'aimerais ça, oui. Ben, avec écoutez. Plaisir. Mange l'IM avec Camille Durand-Plourde, Brun, la couleur de l'amour. Un autre artiste que j'aime pas, ça, c'est Bernard Adamus qui chante Brun, la couleur de l'amour. Oui, ben là, on parle du livre Blues nègre dans une chambre rose. Donc, Jennifer Tremblay n'aurait pas pu choisir un meilleur moment pour la sortie de son roman, publié au VLB éditeur. Il arrive au début du mois de l'amour, mais semble tout désigné pour consoler les célibataires qui préféreront largement leur solitude à l'histoire passionnelle et destructrice qui nous est racontée. Ouais. Première soirée Cachée C'est Fou 2015, c'était Philippe B et Philippe Braque qui étaient en prestation le 12 février dernier. Ouais, donc retour sur cette soirée-là qui se passe... les soirées cachées sont toutes à la Chasse-Galerie cette année. Et il y avait, entre autres, ce qu'elle dit, là, Caroline, dans son article, ou ce qu'elle relève comme point peut-être faible, c'est que Philippe Braque, ça s'est super bien passé, mais c'est que Philippe B, en étant plus connu, était comme en deuxième, sauf que c'est comme un petit peu plus relax. Ouais. Donc là, ça a comme baissé l'énergie. Puis ce qui a nuit beaucoup à la qualité du spectacle, c'est qu'il y avait beaucoup de monde qui parlait dans la Chasse-Galerie. Ah. Donc, si vous allez voir des soirées cachées, ne parlez pas dans la Chasse-Galerie. Non. Parce que... Puis arrêtez de vous plaindre. Je vois sur Facebook tout le temps, l'avoir su avant, je me serais arrangé pour y aller. Man, ça s'appelle les soirées cachées. C'est fait pour pas que tu saches à l'avance c'est qui. Arrête de te plaindre. Et mon commentaire tient aussi pour les gens qui vont à l'improvisation le lundi soir et qui parlent dans le fond de la salle. C'est vrai, ou qui rit très fort. Théâtre des gens de la place, un baiser mortel pour la Saint-Valentin. Oui, ben là, c'est plate parce que les dates de tombée, bon, bref, c'est fini. On peut plus aller voir le baiser de la femme araignée qui était présenté par le Théâtre des gens de la place à la salle Anaïs Allard Rousseau. Ça vient de finir, là. C'était sur 2 semaines. Avec Martin Bergeron, entre autres, et Frédéric Daude. Je l'ai vu, la pièce aussi. C'était une très belle pièce avec le metteur en scène, c'était Luc Levrault, qui normalement est à la régie en haut de la salle Anaïs Allard Rousseau. C'était sa toute première mise en scène. Et il s'est donné un gros défi. Il est parti à la base, c'était pas une pièce de théâtre, c'est un livre qui a été adapté comme film. Et lui, il est parti de ça pour adapter en pièce de théâtre. Donc, c'était un bon défi qu'il a su relever. Jim Ilinovski était avec The Dead Coast au temps d'une pinte. Oui, je voulais vraiment y aller, mais j'avais pas le temps. C'est aussi plate que ça. Ouais. Mais lui, c'est il était dans... Bedouin Soundclash. C'est ça, qu'on le prononce. Il était dans Armistice avec Cœur de Pirate. Je sais, parce qu'ils sortaient ensemble, puis leur voix allait tellement bien ensemble. Moi, j'étais déçue quand ils se sont séparés. Mais on va se quitter avec ça à la place de Tilda Coyote, moi, s'il vous plaît. Ah, ben, si tu veux mettre Armistice, ben, avec plaisir. J'aime bien ça, moi. Puis, c'est ça, c'était autant d'une pinte qui commence à présenter des spectacles. Puis là, à date, c'est bien parti. Je sais qu'ils ont présenté un groupe de jazz aussi. Puis lui, qui est quand même un gros nom, en tout cas à mon sens, là, ouais, ouais. À Trois-Rivières, puis surtout que leur salle en haut est belle, autant d'une pinte, donc j'aurais bien aimé y aller. Mais non! Mais non! Un petit mini-retour sur la coupe, ouais. 3R. Je ne sais pas si vous ça en avez parlé. Ça s'appelle pas comme ça en passant, on n'a pas le droit de dire ça. C'est non, juste le mais match c'est entre anciennement appelé la coupe 3R, parce qu'avant, c'était vraiment le tournoi d'impro de la ville de Trois-Rivières, ben, de la Mauricie, je pense. Et là, est-ce qu'on sait finalement qui a gagné? Non, ben parce a remporté ce duel. Le match du lundi a été gagné par la Luit, le match du mardi par la Lime, donc ça finit à égalité. Il n'y avait pas vraiment, je pense, prévu le coup, donc ils ont dit qu'ils allaient sortir les résultats sur Facebook. Moi, je n'ai pas vu passer ça, mais peut-être que je n'ai pas regardé. Bon, c'est une compétition amicale. Ouais, c'est ça. Que... Mais c'était vraiment deux beaux matchs là, qu'on a vus. T'étais là, d'ailleurs. Ben, mais ça, j'étais là, j'ai animé, ma chère. C'est vrai. On retourne aux chroniques. La petite ténébreuse, Michel Robitaille, qui nous parle d'Alcatraz, une prison particulière. Oui, l'île d'Alcatraz, qui abrite la prison, est située à 2,4 km au large de San Francisco, en Californie. J'ai une amie qui est là en ce moment. T'sais. On la salue. Tu sais, quand la vie est belle. Le complexe pénitentiaire a été utilisé de plusieurs façons entre 1850 et aujourd'hui, mais la période la plus connue est située entre 1934 et 1963. J'ai sauté un mot, là, mais bref. Pendant ce laps de temps, Alcatraz était une prison fédérale à sécurité maximale qui accueillait les plus grands criminels des États-Unis. De nos jours, l'île accueille plus d'un million de touristes annuellement, des touristes qui, comme moi, sont curieux de découvrir l'histoire entourant la prison, mais aussi curieux de démystifier l'endroit. Donc, elle a visité Alcatraz. Et elle nous en fait part. Toujours une chronique historique, mais sombre. Oui, il y a toujours une photo. Ben, pas il y a toujours, mais il y a une photo, encore une fois, pour vous donner un petit soutien visuel. Oui. Ensuite, dans le cinéma d'aujourd'hui, Louis-Étienne Villeneuve nous parle de Léviathan et de The Imitation Game. Dans sa chronique cinéma, il y a aussi des films à venir au tapis rouge. On reste en arrêt spectacle, on saute comme toujours par-dessus plein de choses. En fait, on n'y reste pas parce qu'on n'a rien d'autre à dire. On passe. Mais il y en a beaucoup de choses à dire, oui. Mais pas ce matin dans la chronique. Vous le lirez, le journal. Exact. Faut vous laisser un petit peu de contenu quand même. Dans la section loisirs, on a toujours l'illustration à la confesse qui veut par Alexandre Aramiswicki. Et cette semaine, c'est Stephen Harper. Oui, qui parle du zone campus. Ah, ben, Caroline, c'est. OK. Et au moins, un rattachement avec les zones campus. Ah oui. On passe en sport avec, j'imagine, la natation, championne canadienne universitaire à Victoria. Oui, ben là, Caroline Lapierre-Lemire, encore elle, hein, qu'on entend parler en natation. Mmh. Championnat canadien universitaire, elle est arrivée deux fois médaille d'argent aux 50 mètres libres et 100 mètres libres. Donc, c'est quand même... Ben, moi, ça m'impressionne. Ouais. Que c'est la deuxième universitaire au Canada. Et là, elle va essayer de se qualifier pour les championnats mondiaux à Toronto en avril, quelque chose comme ça. Fait qu'on pourrait dire que c'est pas la pire, c'est la mais meilleure. Mais c'était son dernier sur le circuit universitaire parce que je pense qu'elle termine ses études. Donc, c'était une belle course. Pour elle, c'est la seule qui représentait l'UQTR. Et dernière chose en sport à suivre, c'est que les Patriots de hockey sont vraiment bien partis pour la fin de leur saison. Ils s'en vont en finale de l'Est. Il y a un match d'ailleurs demain mercredi, ouais. Soir. C'est contre McGill. Donc, s'ils remportent cette série-là contre McGill, ils vont être les meilleurs de l'Est et ils vont affronter l'Ouest. Et s'ils gagnent, ils vont être les meilleurs au Canada. Bon. Rien de moins. On leur souhaite. Mais bon, à suivre. Ben oui. Voilà, merci Myriam Lortie. Ben, merci à vous. Le numéro 12 du volume 10 qui est en kiosque jusqu'au 9 mars, à partir d'aujourd'hui, 24 février. C'est toujours gratuit sur le campus du QTR, dans plusieurs commerces à Trois-Rivières, sur zonecampus.ca et sur la page Facebook Zone Campus. Oui, je vais faire ma plug personnelle. Il y a la Ligue d'improvisation mauricienne ce soir à la Maison de la Culture Saint-Louis-Philippe Poisson. Tu joues? Ben non, je joue même pas. Ah. Je fais ça comme ça. T'es star? Je pense que j'y vais libre comme ça, libre comme là, pour le plaisir. Ah. Parce que c'est vraiment plaisant à assister à de l'improvisation. Mais hein, Myriam Lortie, t'es tellement drôle. Les autres compliments. Oui. Merci. Dans deux semaines, les mardis à 8h30. Qu'est-ce qu'on écoute finalement? On va écouter du Armistice. C'est un extrait qui date de 2011. C'était sur notre palmarès en mars 2011. Mais je te donne le défi de mettre une chanson de Tire le Coyote d'ici la fin de ton émission. On va voir. Ben moi j'en veux une, fait que... Alors, on va finir avec ça. Donc Armistice et Mission Bells. Merci Myriam. Oui, merci. Ah, oh, puis ce vidéoclip là, là, sont dans les rues de Paris, puis c'est tellement beau. Ah, romantique! Oui. Armistice et Mission Bells à Assemblage Requis. On prend une petite pause au retour. C'est Master Steph en cuisine fusion avec une grosse pointe en dresse parce qu'on va faire les nouvelles de fast food là-dedans. Fusion! C'est au retour à Assemblage Requis, restez là. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. êtes à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées. On se mardi matin 24 février, les Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Blanc. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait de Master Steph. Ouais. Quand même, je dirais peut-être trois semaines, mettons. Je pense que oui. Environ. Ouais, malheureusement. Ben, c'est ça, malheureusement, mais on se reprend, puis on se reprend bien, oui. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est Master Steph. La chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. Ah, ça fait longtemps. Il était temps, là. Il était vraiment temps. Mais là, petite recette, pas de cuisson. OK. Tu trouves ça le fun? Étrange, ouais. Surtout, toi, t'aurais pu faire ce matin, pas d'électricité. Oui. Ça aurait été possible. J'ai manqué 9 fois d'électricité juste pendant la demi-heure où j'étais en train de m'arranger ce matin. De t'arranger avec assez plat quand on fait plat lâche. Ben oui, c'est ça, c'est, oui. Moi, ça m'insulte. Parce que tu sors de la douche, tu peux pas te sécher les cheveux, là, je suis fâché. En même temps, il y a le temps quand même de chauffer, puis quand je manque d'électricité, ben tu sais, je peux continuer pareil parce qu'il est encore un petit peu chaud, au moins. T'sais. Ouais, mais ça fait beaucoup d'électricité statique parce que ça fait juste comme frotter. Ouais. J'ai peur que ça fasse un genre de bzzz. Ouais, c'est pas le fun. En tout cas. Hey, ce matin, je vous présente. Une belle recette, ce sont des bouchées de fudge à l'avocat. Outrage au tribunal! Pourquoi? À cause de l'avocat. Ah, OK. Je te demande un sidebar, vite s'il te plaît. Ce matin. Ouais. Donc, moi, aujourd'hui, je vous présente les ingrédients. Je vous présente aussi un peu la préparation de la recette. Si vous voulez suivre à la maison, c'est tout simple. Vous allez sur la page Facebook d'Assemblage Requis et vous allez voir tout simplement sur le mur... Hein, on va affronter le mur. Il est temps pour vous d'affronter le mur, oui. Vous allez voir les photos de la recette d'aujourd'hui, donc vous pourrez suivre avec nous. Et ça commence avec les ingrédients. Donc, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, j'ai refait le petit rituel que j'ai arrêté après trois recettes, de photographier les ingrédients. Ah, c'est le meilleur bout, ça, à part le four avec du paint pour mettre le degré dessus. Mais c'est, en fait, le problème, c'est que j'ai arrêté de prendre en photo tous les ingrédients ensemble. Parce que souvent, j'étais obligée d'en ranger la moitié après au frigo, donc c'était super long pour rien. Ouais. Tu sais, des fois, quand t'as le beurre, l'œuf, puis tout ça, t'es obligée d'en mettre ça au frigo, du lait. Mais là, c'était des ingrédients, c'est super facile, la recette, et tu vas comprendre pourquoi. Okay. Donc, quels ingrédients ça vous prend aujourd'hui? Ça vous prend un quart de tasse d'avocat en purée. Moi, en passant, j'ai tout doublé ça. J'en avais pas assez. Parce qu'un quart de tasse d'avocat en purée, c'est à peu près un demi-avocat. OK. Tant qu'à avoir coupé mon avocat, je vais tout le mettre et je vais doubler les autres ingrédients. Ouais. Mais je vais pas le doubler pour vous, là. Vous le doublerez dans votre tête. Comme on dit en anglais, je vais faire un jeu de mots en anglais, je peux t'avertir. You're wreaking havoc sur ta recette. Wreaking havoc, c'est comme une expression en anglais. C'est un jeu de mots pour juste les gens qui comprennent. C'est un peu malaisant. C'est... Donc oui, un quart de tasse d'avocat en purée. Donc, un demi-avocat, 6 cuillères à soupe d'huile de coco à ramolli, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable ou de sirop d'agave, 1 quart de cuillère à thé d'essence de vanille, une pincée de sel et du stevia au goût, ou 1 cuillère à soupe de sirop d'érable et 1 cuillère à soupe d'huile de coco additionnelle. Okay. Donc, dans un mélangeur de type Magic Bullet ou de type je me fais un smoothie à l'unité. OK. Donc, dans des petits récipients idéalement, ouais. Parce que sinon, il n'y a pas assez d'ingrédients. Là, ça va juste boiter partout là, dans ton mélangeur. Donc, dans un mélangeur de type Magic Bullet, mélangez tous les ingrédients jusqu'à ce que le mélange soit lisse. À date, c'est simple. Là. C'est pour ça que j'ai pris une photo des ingrédients. Parce que tu mets tout dans ton mélangeur. Puis tu blends ça ensemble, c'est super facile. Parfait pour les marrons. Tu pourrais même, toi, le faire. C'est ça que je dis. Ensuite, tu vas verser dans un plat de plastique ou dans un moule carré. Ça dépend éventuellement de ce que tu vas en faire, tu vas voir. Okay. Et tu mets au congélateur minimum 3 heures. 3 heures, t'as peut-être te taper un marathon de 4 épisodes de quelque chose, mettons. À peu près. Ouais. À peu près. Ouais, ou tu peux juste vivre ta vie. Pis... Non, vivre. Pas obligé de compter, pas obligé de calculer. C'est plat de vie. Ensuite, une fois que c'est congelé, tu peux faire des petites boules avec une cuillère à cantaloupe, par exemple, ou simplement couper en carré. Ah. Mais ce qui est le fun avec les petites boules, c'est que ça fait des boules. Puis tout le monde aime ça, les boules. On aime les boules. On aime ça, tu peux les boules. Donc oui, si on veut un glaçage au chocolat aussi, pourquoi pas, hein? T'as l'option. Mais on va mélanger ensemble à part égale de la poudre de cacao, de l'huile de coco et du sirop d'érable jusqu'à l'obtention d'une sauce lisse et mince. Miam! Donc, tu peux soit tremper les boules de fudge dans la sauce ou verser sur le fudge dans le moule avant de l'avoir coupé idéalement et on remet immédiatement au congélateur pour que ça ait le temps de figer. Donc, oui, moi, j'étais très enthousiaste quand même d'essayer cette recette-là parce que je suis sur un trip d'avocats ce temps-ci. Okay. Honnêtement, j'achète des avocats à toutes les semaines. C'est un fruit très polyvalent et intéressant par sa texture et ses valeurs nutritives. Et tu l'as dit, c'est un fruit, sachez-le. Oui, c'est un fruit. C'est ça. Un fruit très gras, mais ce sont des bons gras. Et je veux prouver que ça peut être bon dans la bouche et tout en étant sain. Donc, des sucreries qui sont quand même bonnes, pourquoi pas? Oui, il y a de l'huile. Il y a beaucoup d'huile dans la recette. Si tu regardes le ratio huile et autres ingrédients, il y en a beaucoup. Mais l'huile de coco, hein, surtout si tu vois sur les photos, tu vois, il y a beaucoup d'huile. Là. Oui. Le gros tas blanc, là, c'est de l'huile de coco. Okay. Donc, oui, mais l'huile de coco est connue pour ses bienfaits. J'ai quand même refait une petite recherche. Malgré qu'elle fasse peur encore à certains, ce qu'on sait peut-être pas, c'est qu'elle réduit le taux de cholestérol. C'est un antiviral. Elle est excellente pour la cuisson à haute température et elle sert même à hydrater la peau lorsqu'elle est appliquée localement, là, pour manger. Là. Donc, tu peux peut-être t'hydrater l'intérieur de l'estomac. Et on se le cachera pas, son goût est totalement exquis. Ça donne un goût assez prononcé à tout ce que tu vas cuisiner avec. Donc, faites attention aussi à ce que vous voulez faire cuire avec. Là. Faut s'attendre, ça se peut que ça goûte la noix de coco. Un peu, hein. Tu disais que c'est antiviral, hein, puis t'as beaucoup moins de pop-up qu'Avast, fait que c'est vraiment cool. Ouais, c'est ça. Mm. T'as un nouveau antivirus. C'est l'avocat. Coconut high. De mon côté, moi, j'ai opté pour le sirop d'érable à la place du sirop d'agave, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'ai toujours dans mon garde-manger. Du sirop d'agave, j'en ai jamais acheté. Je voulais en acheter, j'étais curieuse d'essayer, mais à presque 9$ la bouteille. OK. Je fais, oh, j'ai déjà le sirop d'érable, tu sais. Les deux sont très dispendieux, mais. Moi, vu que j'ai le sirop d'érable déjà facile d'accès, vu qu'on a une érablière dans la famille, puis je l'ai déjà dans mon frigo, je veux pas dépenser 9$ pour du sirop d'agave, que je sais même pas c'est quoi en fait de l'agave. On sait pas. Tu sais, faites votre propre agave avec du sirop d'agace, peut-être. sirop d'agave. Ça, j'ai pas fait de ma recherche. aussi, j'ai pas utilisé de stevia. J'en avais pas. Je voulais pas en acheter. J'ai pas d'arrière-goût à ça. Les gens disent, non? J'ai jamais essayé. Okay. Donc. À savoir, c'est pas supposé être comme le Splenda. Okay. C'est pas supposé être la même chose, mais je suis allée avec l'option la plus simple, mm-hmm. c'est-à-dire rajouter de l'huile de coco et du sirop d'érable. Voilà. Bien entendu, hein, si j'ai le choix, j'ai fait un glaçage au chocolat. Ben oui, mais ça, c'est l'étape. Je pense qu'on est rendu à photo 6, hein, c'est ça? Ça se peut. Ouais. C'est dans un petit plat. C'est ça. Donc, parce qu'il n'y a jamais trop de chocolat dans la vie, hein, on s'entend. Idéalement, il faut faire fondre l'huile de coco avant d'ajouter le cacao et le sirop d'érable. Et probablement que, comme moi, votre huile de coco va avoir le temps de figer à nouveau. Juste le temps de mettre le cacao et tout ça. Donc, il suffit de repasser le glaçage au micro-ondes. On enlève la cuillère, c'est important. Oui, la cuillère oui. va au micro-ondes. Parce que j'ai failli la bon mettre point. Avec. Mm. Je savais comme pas où mettre ma cuillère. Tu sais, c'est... Oh, on m'en laisse dedans. On s'entend, c'est très huileux, l'huile de coco. Oui. Fait que c'est quand même salissant. Tout ça de même, là. Voilà. Donc, avant de goûter quand même, on va aller entendre une petite pièce musicale. Mmh. Est-ce que ça te tente? Ben, mais ça. Et pas longue, fait que on revient quand même rapidement pour goûter à ça. Et on s'en va entendre Avocado de la formation italienne Guido's. Oh, Guido's! Ah, mamma mia! Assemblage Rocky, c'est Master Steph. Di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te, di te ferme e qui così, come un avocado. Resto inerte ma vorrei essermi già stufato di te, di te, di te, di te. Magnifica e magnetica, torrenti nella metrica di te che sei. Magnifica e magnetica, torrenti nella metrica. Magnifica e magnetica, torrenti nella metrica. Avocado de la formation Guido, c'est une formation n'importe italienne. Hey, non, j'ai trouvé ça tellement attaché. On dirait une fausse langue, mais c'est l'italien. Mais je sais pas, on dirait que quand c'est chanté, on dirait jamais que c'est une vraie langue. Ouais. En tout cas, peu importe. Imagine que ça dépend du style. Oui, vous êtes toujours un Master Steph. Hein? La chronique là, dans laquelle on bouffe des affaires que moi j'ai faites. Oui. C'est ça. Ce qu'on veut, c'est fait avec amour. Ah, oh, pas tout le temps. Ouais, des mélange amour haine. Tu sais, des fois, il est... Celle-là, oui, avec amour. OK, parfait. Celle-là, oui. Génial. Et ce sont des bouchées de fudge à l'avocat. Ça a l'air bizarre d'une même, hein? Mais l'avocat est tellement cool! C'est un fruit polyvalent. Oui. Voilà. Et intéressant. Ben oui. Côté nutritionnel. Mm-hmm. Donc, écoute, j'ai amené ça avec moi. Moi, j'ai fait la version fudge en carré. OK. Non, en boule, t'as conseillé les boules tantôt. C'est ça. C'est sûr que si j'avais eu du temps, j'aurais fait en boule. Mais étant donné que j'ai versé le glaçage dessus, t'as peut-être 9h hier soir, j'aurais pas eu le temps de faire les boules à 9h hier soir, toutes les tremper dedans. Et je voudrais m'excuser déjà pour la photo finale, qui est vraiment pas belle, que j'ai prise ici en studio. T'as un peu, là. Parce que. Ah, ben oui. Parce que j'avais mon manteau sur le dos. Mon sac sur l'épaule, j'étais en train de sortir de chez moi. Je fais hey, Colin! Ma bouffe! Sapristi! Donc, je suis repartie dans le congélateur. J'ai fait 3 carrés au PC, puis je les ai sacrés dans mon plat, puis c'était pas mal ça, ma présentation. Et c'était la photo donc, 8. J'ai fait ça ce matin à 7h16. 10-16? 7h16. Wow! OK? Donc, je te passe un morceau, je t'envoie quand même le plus beau. Merci, okay. Oh, c'est vrai qu'il est joli. C'est très mince, hein, et tu m'as donné un coin. C'est cool, j'apprécie le coin, moi. Oui, mais c'est le fun, les coins. Moi, ouais. J'aime beaucoup les coins. C'est bien à bout, ça. Par exemple, dans la lasagne, parce que t'as deux fois plus de petits croquants sur le côté. Sauf que les cafétérias sont comme vraiment secs, là, à coin. Ah, ça se peut. Ouais. Je trouve ça un peu bizarre. On dirait que le sirop d'érable s'est légèrement séparé. C'est vrai? Dans le glaçage. C'était comme ça quand je l'ai coupé ce matin. Sur le dessus un peu plus. Mais en fait, c'est comme entre la couche supérieure de chocolat et de fudge en dessous. Moi, j'ai pas tellement ça dans mon coin. Pour ça, je t'ai donné le plus beau. Merci. Moi, je trouve ça vraiment bizarre parce qu'on a l'impression qu'on va manger quelque chose à la menthe. Ou au citron, je trouvais un petit peu, non? Ah ouais, mais c'est ou à vert. La lime. Peut-être plus à la lime. Ouais, ouais, ouais. Donc, ce soir, ça Louis-Philippe Poisson. Louis-Philippe Poisson. Blou, blou. Donc, et ça sent la noix de coco, mais hein? C'est vraiment juste la noix de coco. Je sens aucunement le chocolat ni l'avocat. Pas du tout. Mais non, mais l'avocat, c'est sûr, ça goûtera pas. C'est pour la texture, principalement. Oui, okay, et les bienfaits nutritionnels. Ben voilà. On goûte-tu? Oui! Yay! Est-ce que je prends toute une bouchée avec ça? Ben non, vas-y. Un peu, un petit peu par petit peu. Ben ça goûte l'avocat un peu. Un peu, oui, vraiment. C'est très, très glissant dans les doigts, hein. Ça... C'est huileux. C'est huileux, c'est dur à prendre. Mais étant oui, donné là. Que le principal ingrédient, c'est de l'huile. C'est ça. Non, je te dirais, la noix de coco a vraiment la première place. Ouais. L'avocat en arrière-langue un peu. Je dirais que l'avocat et le chocolat sont quasiment sur le même pied. Mm-hmm. Très, très mou. Très, très juteux. Ouais. ça explose un peu dans la bouche. Ça me coule dans la gorge en même temps que je le mâche. C'est vrai que c'est bizarre parce que dans tes mains, c'est solide. Aussitôt que tu le mets dans ta bouche, on dirait que ça fond puis ça coule. Ça me fait penser un peu au bar de chocolat que je t'ai déjà parlé. Je me rappelle déjà plus du nom. Zéro. Ça fond un peu dans la bouche. Mm. Pour ceux qui ont déjà goûté à ça. J'en ai jamais mangé. Ça fond. Mais le fudge, il est pas granuleux, mais on sent qu'il est pas parfaitement lisse. Je trouve qu'il y a un petit grain dedans, mais à peine, là. Juste pour dire que tu sens la texture un peu de l'avocat dedans. Ouais. Et juste pour rappeler que c'est une recette tellement simple à faire, quand tu nous parlais tantôt de passer ça dans le Magic Bullet, mm-hmm. pas super compliqué, et ça donne vraiment un résultat qui Colin, c'est quasiment un dessert de restaurant. Hein, cette c'est cochon, c'est hein? C'est vraiment cochon, c'est très c'est bon. C'est très cochon, t'en manges un petit morceau, puis je pense que t'as atteint comme ton quota de... Ouais. Ça bourre vite. T'as pas le goût d'en manger tant que ça. Non. T'as la bouche huileuse après ça. Mm-hmm. Fait que tu peux faire bien les affaires. T'as la bouche hydratée aussi. Mm-hmm. Parce que t'as mangé de l'huile de coco. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore le coco. J'adore le chocolat. Pour moi, ça, c'est une recette que je vais refaire. Ouais. Parce que c'est super rapide. C'est vraiment pas long. Mais c'est sûr qu'il faut quand même que tu mettes longtemps à congeler. Ouais, mais 3 heures à rien faire, hein, t'sais. C'est ça, tu sais, tu fais ça dans l'après-midi, puis le soir, t'as ta petite collation que tu peux grignoter. Tu te sens pas trop coupable d'en manger un carré. Puis ça goûte la culpabilité, ça goûte quelque chose ça que goûte tu, vraiment. Ouais. Devrais-tu vraiment manger ça? Il me semble que je me sens mal, là. Je devrais même pas, un petit morceau de temps en temps, on s'entend. C'est sûr, si tu manges le plat, les effets positifs de l'huile de coco ou de l'avocat, fuck off, là. Ouais. On s'entend. Puis il y a pas vraiment du sucre, à part le sirop d'érable. Fait que c'est pas si pire que ça. Pis c'est vraiment bon. C'est vrai que tu te sens coupable. Vraiment, parce que c'est très, très, très sucré. La texture, j'aime la texture. Tu disais que c'était l'avocat qui amenait ça. Ça donne aussi une drôle de couleur. C'est un genre de vert jaune, le dessus. Mais moi, je trouve ça super beau, ouais. Là. C'est très bien. Ça fait différent. Puis j'aurais quasiment le goût de mettre de l'essence de menthe dedans, voir ce que ça donnerait. Tu pourrais. Tu pourrais. Font-tu ça de l'huile de menthe? Je sais pas, sûrement. Tu crois font de la crème de menthe? Ouais. Ça comme demain. Ouais, un petit peu d'alcool là-dedans, ce serait encore plus winner pour moi. Donc voilà, c'était les bouchées de fudge à l'avocat. Voilà. Et je suis contente. Je suis surprise. Réussi. Les photos sur assemblagerequis.com. Là, tu as des petits non-finis avec les trucs et astuces. Ouais, mais on fait pas de trucs et astuces. À la place, on fusionne ça avec une grosse pointe à l'adresse et la chronique qu'on fait en alternance. Donc changeons de fond, hein? Pourquoi pas, tu sais? Pour être consistant. Un petit peu de consistance, exactement, de Carole Cassista dans Télépirate. Donc, quelques nouvelles de fast-food, Steph, juste pour toi, pour se divertir un peu en cette fin de chronique. Tu connais Game of Thrones? Oui! Trône de fer, un restaurant pop-up qui est ouvert à Londres pour un festin de 3 jours. Ah? Un banquet sophistiqué à la Game of Thrones. Donc, c'est un restaurant qui ouvre pendant 3 jours à Londres, façon Westeros. C'est HBO qui a organisé ce banquet unique en son genre pour célébrer la sortie de la 4e saison sur disque Blu-ray. Invite les gens à participer à une compétition pour gagner des sièges à cette table de festin. Les détails du banquet sont encore secrets, mais on promet un repas à 5 couverts dans le même genre clandestin que les petits conseils du King's Landing. Là, je connais absolument aucunement les termes dans Game of Thrones, mais apparemment qu'ils ont ça. On parle entre autres d'un plat qui s'appelle The Lies of Tyrion Lannister and His Proclaimed Innocence, donc les mensonges de Tyrion Lannister et sa proclamation d'innocence. Encore une fois, là, ça me spoil quelques affaires. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Il y a aussi de la langue de veau pochée, du réfort et de la moutarde qui sont offerts là-dedans. Donc l'événement sera au Andes Liverpool Street Hotel à Londres pendant 3 soirs à partir du 13 février, donc ça vient juste de se passer. C'est ça. Donc ça a l'air cool quand même. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Ensuite, c'est des universités américaines qui offrent de la nourriture gratuite aux étudiants qui ignorent leur téléphone cellulaire en cours. Ah? Des milliers d'étudiants au niveau universitaire aux États-Unis se font donner des pots de vin pour ignorer leur téléphone pendant les cours pour avoir de la nourriture gratuite et des rabais dans des magasins. Entre autres à Penn State University et California State University. Donc, on peut télécharger une application nommée Pocket Points qui va surveiller la durée de temps qu'un téléphone cellulaire est gardé barré dans sa... Ben, c'est pas dans sa poche nécessairement, mais barré en mode barré. Et ça va donner des points par rapport donc, au temps. Donc, tu peux quand même regarder l'heure. Au moins, mais c'est ça, c'est comme une montre. Ça compte pas regarder l'heure, ça. Ou les notifications vont peut-être popper, par exemple. Parce que tu sais que t'as reçu un message Facebook, tu sais que t'as reçu un message texte, ça. Mais en fait, t'es mieux de pas regarder parce que ça donne plus le goût d'y aller. Ben, c'est ça. Sauf que si tu y vas, tu perds tes points. Fait que, tu sais, faut que tu relativises un petit peu. Moi, je pense que pour avoir plus de points, je dirais, OK, bon, j'ai le message Facebook, je sais qu'il existe, j'irai le voir plus tard, t'sais. Ça dépend, c'est quoi? Ça a quelque chose de pressant? C'est ça, ou un paquet qui vient d'arriver chez vous. C'est ça, j'allais dire, c'est comme quand le facteur arrive, tu le vois. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas boire ta malle, t'attends pas. Exactement. L'application a été développée par un étudiant de la Chico University. Ça encourage les étudiants à se ramasser des points en ignorant leur téléphone cellulaire. Les récompensant lorsqu'ils portent attention au cours pour lequel ils ont payé des milliers de dollars. Par tranche de 20 minutes que le téléphone est barré pendant que l'application fonctionne, les étudiants se méritent un point. Du travail d'équipe peut accélérer le processus. Plus il y a d'étudiants qui utilisent l'application sur le campus en même temps, plus les points sont rapidement distribués. Ah. Ça, c'est quand même bien. Penn State dit que les points peuvent être utilisés à la petite coop de leur université. 10 points donnent 15% de rabais sur des chandails et autres trucs avec le logo de l'université. Bon. OK. Ben, si c'est déjà l'intention d'en acheter un. Ben, voilà, voilà. C'est pas comme à l'UQTR, là. Il y a des universités où le sentiment d'appartenance est beaucoup plus grand. C'est vraiment ça. Il y a aussi plusieurs entreprises locales, dont Bradley's Cheese Steaks. Pour vrai, des cheese steaks, là, juste pour ça, c'est sûr que je fermerai mon téléphone, qui offre des rabais si vous n'allez pas sur Facebook en cours. Donc, les gens, évidemment, vont probablement essayer de hacker le système là, en se méritant des points plus facilement. Mais pour l'instant, on espère que ça va fonctionner. C'est Pocket Points, sûrement sur les campus de Penn State et California State University Chico. Moi, je serais du genre à amener ma tablette dans ma sacoche. Oui, fait que je pourrais regarder sur ma tablette, mon cellulaire accumulerait des points. Puis les montres intelligentes aussi, à ça peuvent toutes te dire tes affaires. Est-ce aussi, que ça fonctionne, tu penses? Probablement. Ensuite, la sauce pour Big Mac. On a parlé il y a quelques semaines de ça dans une grosse boîte à l'adresse de sauce qu'on pouvait acheter en grosse bouteille qui était vendue sur eBay. C'était en Australie. C'était des sauces à Big Mac spéciales. Donc, la sauce Big Mac est maintenant disponible en petit cup pour tremper vos mecs croquettes et autres. Bon, ça y est. Il était temps, là. C'est une maudite bonne idée. Donc, si vous avez déjà voulu tremper vos frites dans votre sauce spéciale Big Mac et que là, vous étiez obligé d'ouvrir votre hamburger puis en enlever du hamburger, c'est un peu plate d'en enlever Non, t'enlèves pas la sauce d'hamburger. Ben t'ouvres ton hamburger, tu mets des frites dedans, tu la fermes. C'est ça, l'idée. C'est ça l'idée. Donc, c'est encore en Australie. On offre des 25 ml de petite sauce Big Mac qu'on peut mettre sur n'importe quoi pour un temps limité. Comme on l'avait dit la semaine passée, ils offraient 200 bouteilles de 500 ml de sauce sur eBay pour la charité. Donc, voilà, ça, c'était une autre nouvelle. C'est plate, mais je l'ai pas aimé, la sauce. J'ai mangé une fois un Big Mac dans ma vie, puis j'ai pas aimé ça. Ah, c'est pas pour tout le monde. Mais j'ai pas associé non plus ce que j'aimais pas dedans. C'était juste comme un tout que j'ai pas aimé. Est-ce que c'était la sauce? Est-ce que c'était... Il y a des cornichons là-dedans? Oui, c'est vrai. C'est peut-être ça. J'aime pas les cornichons. Fait que c'est pour ça que je suis pas attiré par ça, tu sais. Ça m'est arrivé une fois, puis j'ai pas été Ça ressemble à de la sauce Mille-Îles. Il y a des recettes sur Internet pour créer votre propre sauce Big Mac si vous voulez le faire aussi. Ça ressemble beaucoup. Même la sauce Mille-Îles, j'ai aucune idée. Non? J'achète pas de vinaigrette à salade. Je suis plate, hein? J'aime bien ça, moi. Je suis très difficile sur les sauces. Ben, moi aussi, mais en même temps, moi, je suis très, très... J'aime la variété et la diversité de mes sauces, donc je vais tenter d'acheter plusieurs bouteilles, puis tu sais, les perdre éventuellement, mais je me faisais chialer. Mais ça se garde quand même là, longtemps, des sauces, en là. En couple, ouais, c'est ça. Des fois, c'est le fun d'être célibataire, puis s'acheter de la sauce. Pas mal ça, je me dis. Starbucks va commencer à vendre du lait de noix de coco partout. Ben, en fait, c'est commencé là, aux États-Unis, depuis le 17 février. Du lait de coco, Steph, toi qui aimes tellement ça, je pense que c'est la nouvelle pour toi. Donc, l'année passée, on a des noix de coco comme alternative non laitière à leur lait de soya, entre autres. Donc, le test est allé dans plusieurs états après ça. Et c'est rendu que c'est partout au pays depuis le 17 février. C'est plate qu'on ait plus de Starbucks à Trois-Rivières. Ben, maisant que c'est plate, obligé de l'acheter en sac, puis c'est tellement pas pareil. Donc, le lait va être disponible pour l'instant seulement aux États-Unis. C'est selon le blog Starbucks Melody, qui a toujours les affaires les plus récentes chez Starbucks. C'est disponible pour les employés pour utiliser dans leur propre breuvage et présumément pour pouvoir s'acclimater. Ça, c'était avant le 17 février. Et depuis le 17 février, ils peuvent maintenant l'utiliser dans les breuvages des clients. Donc, quand même, c'est le fun de permettre au staff, à l'équipe maison, les baristas et les baristos, je sais pas, de commencer à connaître le produit et de le tester par rapport au ratio. Peut-être qu'il faut en mettre plus ou en mettre moins pour que ça goûte la même saveur. Bref, le lait d'amande est aussi populaire pour ceux qui ne prennent pas de produits laitiers. Mais Starbucks a décidé de ne pas distribuer ça à cause des allergies aux noix dans la population, le lait d'amande. Ah! Bien, hein? Bon, à savoir ces affaires-là, je trouve. Et je pense que ça va être assez parce que à un moment donné l'émission est finie. C'est ça. Ben c'est plate, hein? Ben c'est un peu plate de même, mais ça finit sur une nouvelle de Starbucks, ça me rend heureux. Parfait. C'est ça qu'il faut. finir sur une note joyeuse. Espérons l'avoir un jour au Canada, parce que tu sais, il en reste quand même des Starbucks au Québec. Oui, je te dirais qu'à Montréal, aux deux coins de rue. Ouais, et des centres d'achat 3-4 fois par centre d'achat. T'sais. Au moins deux. J'imagine, ça dépend quel centre d'achat. Ça dépend quel centre d'achat. Mm-hmm. Voilà, c'est tout pour cette portion d'une grosse pointe adresse à l'intérieur. Hey, tu trouves pas que ça ressemble étrangement à un Starbucks dans un Target? une grosse pointe adresse dans un Master Steph? Pareil! Un Target, comme on l'a déjà dit. Là, je réutilise mes gars. Voilà, c'est tout. On fait ça les mardis à 9h. Voilà. Nous, c'est la fin d'Assemblage requis. Oh. Oh, mais ne déprimez pas, parce que demain, nous serons de retour entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30 pour une de toute nouvelle édition d'Assemblage requis. Demain, on sera mercredi, donc on va voir Cindy Gilbert et sa chronique Activer votre santé. On aura aussi, non, on n'aura pas malheureusement Frédéric Bernard demain. Oh. Donc ça va être pas mal juste Cindy, le reste ça va être du ça existe mais ça ne devrait pas être là. Voilà. Une autre chronique maison. Fantastique. Alors, restez sur nos ondes, à 11h c'est le Dîner de con avec Danny Janvier, à 13h rock classique avec Alain Lefebvre, à 17h circulation danse, poum petit poum petit poum, à 19h réanimation avec du métal et de l'horreur, et à 21h c'est matière noire avec du métal progressif et de la musique obscure. Sif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci Stéphanie Paradis. Merci Mathieu Plante. Merci à Gabriel Béhoud. Oui. Merci. Sébastien Vigartin. Myriam Lortie. Voilà. On se quitte avec une pièce qu'on avait promis à Myriam et à toi. Oui, parce que moi, j'aime ça. Ben, Caroline, profite-en, c'est la nouvelle entrée du palmarès francophone, Partir le Coyote. C'est les chemins de serviette. À demain. Partir le Coyote? C'est tire le Coyote. Partir okay, le Coyote, okay, comment on s'en va? Non. Pas partir le Coyote, les fafettes. Ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ah, tire le Coyote, ah ouais. Meurs. Tire le Coyote. L'album s'appelle Panorama. À demain.